Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, 107 MHz toujours. Oui, vous pouvez vérifier. Et ben oui, ça fait 40 ans que ça dure, hein, presque. Et voilà, Radio Guémozo, eh bien, l'émission Mosaïque commence. Alors ce soir, il sera question de... D'abord, je donnerai la parole à Jean-Luc Mélenchon. Et puis à Jean-Luc Mélenchon, hein. Et puis, on parlera d'une vague révolutionnaire en Europe en 1848. C'était en 1848, hein, il y a longtemps. Hein, voilà, ouais, ouais. Et puis, en 1980, Coluche s'est présenté comme le candidat des abstentionnistes. À l'époque, il y avait 40% d'abstentionnistes. Maintenant, à certains endroits, ça frise les 60%. Ça veut dire quand même que les politiques et les politiciens de métier commence à nous débecter sérieusement. Eh oui, ils montrent de plus en plus leur inutilité. Ouais, il va falloir qu'on les remplace par des gens efficaces, par des gens qui agissent, des gens qui obtiennent des résultats positifs. Voilà. Et puis, bon, ben, une revue de presse, quoi. Voilà, comme presque chaque fois. Hein. Voilà. Allez, bonne soirée et à une prochaine. Au revoir. Où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtus de soleil et noyés de bleu tendre, et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les affaires, elle et lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel de ma patrie. Allez, bonsoir tout le monde. Alors c'est une expérience quand même pas banale, hein, parce que vous êtes déjà 1000 en ligne, 1300, je sais pas quoi. Ça m'épate. Alors, ça n'a même pas commencé, vous attendez devant l'écran. Merci, c'est sympa d'être là. C'est la 100e édition de cet exercice un peu bizarre pour moi, qu'il est resté, au bout de 100 numéros. Alors, un petit mot déjà pour raconter l'histoire. Au début, c'était pas... Comment dire, j'en avais marre de passer toutes les semaines deux heures, trois heures à écrire ma note de blog. Hein. Donc je m'étais dit, bon, allez hop, on va passer de l'écrit à l'image et on va faire une vidéo chaque semaine où je ferai le point des choses qui m'ont paru intéressantes. Et puis, bon, comme toujours, on prend des grandes résolutions et puis ça ne se faisait pas. Et bon, voilà, un jour, je m'en prends qu'à moi, je me dis, bon, ça va, je vais arrêter de dire je vais le faire, je le fais. Donc, hop, petit coup de fil à Antoine Léaumont, qui est mon complice dans cette affaire depuis 100 numéros. Et je lui dis, bon, ben écoute, allez, amène-toi, on s'y met. Et on a fait le premier numéro de la revue de la semaine. Il y a quand même eu 20 000 personnes à l'époque pour regarder ça, donc on était toutes impressionnées. Mais alors, question lumière et son, c'était vraiment très discutable. Et alors, il se produit déjà un truc marrant, c'est que, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont regardé toutes les émissions, d'accord, et puis ils reviennent en arrière, un peu comme des saisons sur Netflix, tu vois. Alors là, c'est la Casa des Papel version Mélenchon, quoi. Et il y a des gens qui sont allés voir la première du début, qui avait été regardée à 20 000, par 20 000 personnes à l'époque. Et si bien que cette première revue de la semaine, pas très réussie techniquement, elle aujourd'hui, elle a 100 000 vues. Bon, elle est juste un tout petit peu en dessous de la moyenne de nos revues de la semaine. Alors l'exercice a été K1K, et puis on en a profité pour fonder la chaîne. Aujourd'hui, elle est à plus de 400 000 abonnés. Je craignais un petit coup de grisou récemment parce que on m'avait dit que YouTube faisait le ménage dans les chaînes YouTube, mais apparemment la nôtre, elle est de bonne qualité, c'est-à-dire que les gens qui sont là, qui sont abonnés, l'utilisent assez régulièrement pour que YouTube les foute pas tous dehors. Et je suis pas vraiment surpris parce que le bilan au bout de 3 ans, parce que ça a démarré en octobre de l'année 2016, hein, faut vous représenter l'année 2016. Octobre, décembre, puis ensuite janvier jusqu'à avril, c'est la campagne présidentielle, le cœur de la campagne présidentielle. Donc là, on est dans le démarrage, parce que moi j'ai démarré en février de l'année 2016 en proposant ma candidature, mais clairement, au mois d'octobre, on est déjà sur le feu, quoi. Alors elle démarre à ce moment, et au total, donc ça fait 3 ans, voilà, à peu près, pile poil, 3 ans. Et la chose impressionnante, c'est que il y a eu 15 600 000 visiteurs différents au cours de ces 3 années. 15 millions, bon. Alors, il y en a plein qui plaint, qui me regardent, que ça impressionne pas, mais moi, ça m'impressionne plus. Et là-dessus, on a eu 150 000 commentaires. Hein. Bon, c'est aussi une quantité considérable. Et puis, je sais plus combien, mais c'est tout en 15 ans, donc c'est pas très difficile à mémoriser, 15 000 pouces bleus. Alors les pouces bleus, moi je trouve que vous êtes en dessous de la main, parce que, bon, les pouces bleus, c'est juste pour dire que vous êtes content et qu'il faut en faire davantage. Donc si vous le faites pas, c'est pas très encourageant pour Antoine qui fait le boulot de l'autre côté. Moi je viens, je prépare mes trucs, je parle et après je m'en vais, hein, mais c'est lui qui fait avant, pendant et après. Alors donc, pour cette 100e édition, on a dit on va essayer une autre figure, question-réponse. Peut-être qu'on fera comme ça plus souvent, parce que ça me détend plus que de venir avec ma pile de feuilles, regarder une dernière fois, des fois c'est entre deux portes, et je traite un sujet. Je me suis demandé si on arrêtait, mais bon, évidemment, vous me direz, personne m'a écrit pour me dire « ouais, arrêtez, parce que c'est bon, on n'en peut plus », mais par contre, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit « non, faut continuer, parce que nous, ça nous aide ». Et faut que vous compreniez une chose, c'est que moi, mon boulot, de militants politiques, de porte-parole, c'est de proposer de la matière à réflexion à tout le monde. Je sais, ça sert qu'à ça, hein, ce que je fais. Par conséquent, s'il y a des gens que ça intéresse, ben, je continue. Parce que j'ai l'impression que ben, le travail est fait, les idées avancent, les formations avancent. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous envoyez sur le chat. Et avant, bon, je vais quand même amorcer un sujet. Aujourd'hui, c'est un jour triste, parce qu'on a perdu... comme d'habitude, tous les 2 jours, on a un suicide de paysan. Comme d'habitude, on a pratiquement un mort au travail par jour, sur un chantier, etc., etc. Bon, ça, c'est la vie à laquelle on ne s'habituera jamais. Mais en même temps, on a perdu 13 types, 13 militaires au Mali. Bon, c'est dans un accident d'hélicoptère, mais quand même, ça illustre ce que peut être aussi le dévouement. Des gens, ils signent un contrat en sachant qu'il y a leur peau dans le contrat. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires qui ont ce type de contrat avec l'État, et en fait, c'est pas avec l'État, c'est avec le pays. Donc ça mérite toujours, d'abord, qu'on y pense avec respect, qu'on y pense comme tous les morts nous concernent. Cela, c'est souvent des morts qui sont en relation avec des situations politiques, mais il ne faut pas que la situation politique nous empêche de voir la mort. Et la souffrance des familles qui ont appris ça, leur gars était mort dans cette affaire. Donc ça doit nous parler. Et puis, les morts nous font devoir. Parce que là, on peut dire un mort au travail, c'est quelqu'un qui est victime d'une ambiance de travail. C'est pas quelqu'un à qui on a dit « va mourir hein ». On n'a pas dit ça, on a dit « va travailler ». D'où la grande culpabilité de ceux qui font mourir des gens au travail. Mais là, c'est des gens à qui on a dit « va mourir s'il le faut ». Donc eux, ils ont obéi. Hein, et c'est le devoir des militaires et leur grandeur, c'est qu'ils servent et qu'ils obéissent, en y mettant leur peau en jeu, s'il le faut. Quand je dis leur peau en jeu, c'est ceux qui meurent au combat, ou dans des accidents de cette nature, mais aussi ceux qui sont estropiés, abîmés, blessés pour la vie. Vous savez que on pourrait avoir aussi une petite pensée en ce moment pour ceux qui sont aux Invalides, parce que vous avez d'anciens guerriers qui s'y trouvent, hein, et qui, j'en ai vu quelques-uns, que j'ai été salué une fois, c'était un peu le hasard de la vie, et j'aime mieux vous dire que les gars, il leur en fallait hein, pour garder le moral, vu comment la bataille les avait abîmés. Alors là, on a perdu 13 militaires, ça vaut la peine quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire. Parce que on a posé la question cet après-midi à l'Assemblée nationale, et le Premier ministre nous a répondu à Bastien Lachaud, député de la Seine-Saint-Denis. Bastien Lachaud est celui des Insoumis, qui est notre porte-parole sur la Commission Défense. À la Commission Défense de l'Assemblée nationale, il y a Alexis Corbière et Bastien Lachaud. Et Bastien fait plutôt les questions qui touchent au budget, à toutes ces choses-là, bon, c'est-à-dire le fonctionnement de l'armée, c'est une chose qu'il connaît. Pour nous, c'était très important d'avoir des députés qui savent de quoi ils parlent quand on parle de questions militaires ou géopolitiques, parce que ça va avec, mais qui parlent de la chose militaire d'un point de vue aussi technique. Hein. Voilà, donc c'était à Bastien de poser la question. Il pose la question et il demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Alors c'est maintenant pour moi l'occasion de vous rappeler qu'on est arrivé au Mali parce que l'État malien était, le gouvernement malien était en train de s'effondrer. On avait un gars qui dirigeait ça qui avait été élu par personne, et s'était formée une guérilla dans ce pays, au nord du pays, et cette guérilla s'était mise en ordre de bataille pour aller investir la capitale. Et c'est alors que, à la demande du gouvernement tel qu'il était à l'époque du Mali, le président de la République française, François Hollande, sans qu'on sache, il avait même prévenu son gouvernement, décide qu'une attaque aura lieu, et en effet l'attaque a lieu, et deux rafales y sont allées, vous avez là 400 pick-up mis bien en rang, avec chacun un gros baril d'essence dessus pour faire les 1800 ou 1900 kilomètres qu'il y avait à faire pour arriver à la capitale. Bon, donc deux passes de rafale, terminé, il n'y avait plus rien. Bon. Et à partir de là, l'armée française est arrivée, et puis il y a eu des épisodes. D'abord il y a eu des élections au Mali, puis il y a eu d'autres sont venus participer, puis les Français ont dit « Ah ben écoutez, nous, enfin vous connaissez tout ce vocabulaire, nous sommes en train de défendre la liberté de l'Europe, de la France, de tout ce qu'on veut. » et tout ça a absolument foiré, parce qu'aucun autre Européen ne s'en mêle vraiment. Ensuite, l'opération sur place, ben, c'est une opération militaire. Les militaires, ils font le travail qu'on leur demande de faire. Mais c'est la confusion, parce que une opération militaire sans objectif politique, ça n'a pas de sens. Hein ? Regardez, par exemple, quand on est allé en Afghanistan, comme des caniches qu'on est derrière les Nord-Américains, là aussi j'en ai entendu des grands discours sur la liberté de la France, joue en Afghanistan, mon œil, ouais. En attendant, le but politique là-bas, c'était de détruire le gouvernement des amis de M. Ben Laden, et puis d'instaurer un gouvernement démocratique. Sauf qu'ils y sont jamais arrivés. En Afghanistan, il y a eu des élections, et puis ils étaient tellement nuls qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième tour, ou qu'il y aura un deuxième tour que quand il ne resterait plus qu'un seul candidat. Enfin, un tripatouillage pas possible, et à la fin, C'est une assemblée coutumière avec les chefs de tribu qui ont écrit la nouvelle constitution qui devait être formidable, de liberté démocratique et tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc c'est pour dire, si je prends cet exemple de l'Afghanistan, c'est pour montrer que quand on met des forces maximum, hein, là c'est celle de l'Empire nord-américain et de ses alliés français, anglais et ainsi de suite, même avec toute cette armada et en balançant des bombes comme jamais on en a vu sur cette planète. Est-ce que vous savez, les gens qui m'écoutaient, que les Nord-Américains ont balancé sur l'Afghanistan la plus grosse bombe classique conventionnelle de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle est l'équivalent d'à peu près une bombe atomique d'Hiroshima. Ils ont fait ça. On n'a jamais su à quoi ça avait servi, ni qui on visait, ni pourquoi on l'a fait, mais en tout cas, ça a été fait. Et le résultat de tout ça, c'est rien. Ça tient comme ça peut en Afghanistan, et dès que les derniers militaires soi-disant occidentaux seront partis, le truc se cassera la figure en deux temps, trois mouvements. Par conséquent, tout ça, c'est pour dire que il faut en tirer des leçons. On ne peut pas être dans un pays, alors on nous appelle à l'aide, on arrive dans des accords de défense avec 25 pays. Hein. Bon, alors on arrive, et puis bon, alors on bombarde, on amène du matériel, on amène des hommes, on dépense un pognon dingue, comme dirait le président Macron. Il faut savoir que les opérations extérieures de la France, ça a déjà coûté 3,5 milliards, hein, c'est pas des petites sommes. Et là, bon, nous voilà là-bas, et pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel est le but politique? À quel résultat on veut arriver? Alors on dit on veut vaincre les terroristes, mais de qui on parle? Parce que des terroristes, c'est une appellation qui veut tout dire et rien dire. Par définition, ceux qui mènent des combats en ligne, des combats militaires ordinaires, de guerre de guérilla, c'est un peu dur d'expliquer que c'est la même chose comme terrorisme que celui qui balance une bombe ou qui tire sur des gens dans la rue. Hein. Donc le mot terroriste, un mot fourre-tout qui aide pas à réfléchir. Hein. C'est un mot qui empêche de réfléchir. Et au Mali en particulier, parce que on a plusieurs catégories de gens qui sont en rébellion contre le pouvoir de l'État-nation malien. On a des tribus nomades dont le nomadisme a changé de parcours parce que le changement climatique fait que les pâturages ne sont plus à l'endroit où ils se trouvaient auparavant. On a des trafiquants qui sont là depuis la nuit des temps. Alors, suivant les générations, ils trafiquent des choses différentes. Alors, ils trafiquent des cigarettes, ils trafiquent de la drogue, ils trafiquent tout ce qu'il y a à trafiquer. Et puis, on a des indépendantistes qui, eux, veulent faire de la partie nord du pays un État indépendant. Donc, vous voyez bien que c'est trois cas complètement différents. On ne peut pas régler les trois questions avec les mêmes méthodes et avec les méthodes de l'intervention militaire. Dans un cas ou dans l'autre, le problème n'étant pas le même, la réponse ne peut pas être la même. Et puis enfin, nous, Français, nous ne sommes pas maliens. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon pour le Mali et qui a raison et qui a tort. Hein. Il faut en finir avec cette mentalité néocoloniale où tout d'un coup, on s'investit de droits, de devoirs, comme ça, dans un pays qui n'est pas le nôtre. Alors, on nous dit, au début, les gens étaient très contents de nous voir là. Bon, ben, parfait. Mais nous, notre devoir, c'est pas de nous contenter de la satisfaction des autres, c'est de réfléchir. Moi, à l'époque, je posais la question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'être là? Qu'est-ce qu'on vise comme résultat? Qu'est-ce qu'on attend à la fin? Bah, écoutez, ça a commencé en 2013, cette affaire. Nous sommes en 2019, les amis. Ça fait 6 ans que ça dure. Hein? Alors, les militaires, ils font leur travail, ils vont d'un endroit à l'autre, là où on leur dit d'aller, alors ils sont... Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. On ne sait pas où on va. Le peuple malien n'est jamais appelé à donner son avis sur ce qu'il y a lieu de faire. En particulier, si on doit voir au Mali se réorganiser l'État, l'État-nation, peut-être qu'il faut que ce soit un État fédéral, peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas malien. Je ne sais pas moi de dire ce qu'on va faire au Mali et qui serait bien. Mais je sais que si on doit rediscuter des institutions, il faut qu'il y ait une assemblée constituante. Et il faut que le peuple malien élise ses représentants. Puis après, les Maliens sont comme tout le monde. Hein. Ils préfèrent discuter à se battre, j'en suis certain. Et donc, une fois que tout le monde serait là, on pourrait définir d'autres règles du jeu. En tout cas, nous, Français, on ne peut pas se contenter de répondre comme a fait le Premier ministre. Nous sommes là parce que la liberté de la France, je ne sais pas quoi. Bon, et nous combattons le terrorisme et d'ailleurs, nous creusons des puits. Hein. Non, mais enfin, on n'envoie pas une armée pour creuser des puits. C'est de la coopération. Et dans le passé, on avait une coopération qui était extrêmement dynamique avec le Mali. Je me rappelle une année, j'y suis allé, et j'avais rencontré le président de la République, c'était le le premier de la nouvelle période démocratique. C'était un gars formidable, qui parlait un français magnifique, au point de nous faire des leçons, et qui avait une conscience sociale extrêmement aiguë, parce que il avait travaillé dans le secteur social avant de revenir dans son pays et d'être candidat à l'élection présidentielle où il avait gagné. Bon, eh bien, à ce moment-là, il y avait plus de 70 ONG françaises qui travaillaient au Mali, qui faisaient des choses au Mali avec des équipes maliennes. Bon, c'est pour dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Les militaires eux-mêmes, les militaires français disent, il n'y a pas d'issue militaire s'il n'y a pas de perspective politique. Il n'y a pas de perspective politique. Il est temps maintenant que le pouvoir dise ce qu'on fait là-bas et à quelles conditions on s'en irait. Et puis peut-être que l'Assemblée nationale, parce que ça c'est le plus dur à entendre, a jamais voté la guerre au Mali. Donc c'est une décision d'une personne suivie par tous les autres derrière qui fait que nous sommes présents au Mali. Ça c'est la monarchie présidentielle dans ce qu'elle a de plus ridicule. Moi, j'aime pas les images de l'armée française engagée dans les petits villages. J'ai pas aimé l'image à la une du journal Le Parisien, où on voit un Malien, je ne sais pas ce qu'il faisait, ni de quoi il était responsable, ni pourquoi on lui faisait ça, et deux militaires français qui le maintenaient à genoux. Moi, je n'aime pas ça. C'est pas l'image de la France. C'est pas l'idée qu'on a de notre relation avec le peuple malien. Voilà, c'est pas l'idée que je m'en fais. Et les Maliens et les Français, c'est une vieille histoire, hein. C'est pas quelque chose qui a commencé il y a 8 jours. Et ça nous crée beaucoup de liens. Bon, j'arrête avec ça parce que je peux pas faire moins à la 100e édition qui tombe sur un jour comme celui-ci de vous parler ça. Alors maintenant, j'ai en face de moi les questions que vous me posez. Alors ça se passe comme ça, c'est pas moi qui faut engueuler si votre question est pas là, hein. Vous en prenez à Antoine, mais pas à moi, parce que les questions arrivent, elles vont sur Antoine, Antoine les trie et me les passe, et maintenant je vais essayer de répondre. Alors, attends, comment je fais, moi? Je remonte la liste, là? Alors, attends, ça commence par qui? Bon. Un petit mot sur la réforme des retraites. Le chef, 350, non mais tu rigoles, un petit mot? Non, c'est la grande bataille. Alors, le pouvoir, c'est pas par quel bout vous attrapez. Hein. Bon, ils ont une peur bleue de ce qui va se passer le 5, et ils ont pas tort, parce que comme dans le pays tout entier, il y a un fond de mécontentement, de colère, de désappointement, et aussi, comment dire, de vexation. Ça, c'est nouveau en politique. Les Français sont vexés de voir à quel point ils se sont fait avoir, et à quel point ce pouvoir leur parle mal, agit mal, les prend pour des imbéciles. Hein. Bon, là, sur la réforme des retraites, c'est typique, quoi. Ils commencent par dire « 1 euro aura les mêmes droits pour chacun », et puis « Oh là là, quelle horreur, il y a 43 régimes différents de retraite ». Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Chacun d'entre nous n'en a qu'un. D'accord? Donc, il y a 43 régimes, et alors le problème, c'est pas qu'il y ait 43 régimes, c'est est-ce qu'un retraité de l'un de ces 43 régimes vit mal dans le régime dans lequel il n'a pas de revenus suffisants? Ça, c'est une bonne question. Mais le nombre de régimes, il n'y a qu'un technocrate, une tête d'œuf qui se prend la tête dans son coin en regardant « Ah là là, mon Dieu, 43 régimes », c'est absurde. C'est totalement absurde. D'autant que ça ne concerne que 3% de la population, ces 43 régimes. Donc ça veut dire que tous les autres sont au régime général. Hein. Et ce qui est fort de café, c'est que le nouveau système Macron, avec les... c'est pas le permis à points, c'est la retraite à points, c'est pas 43 régimes qu'il va y avoir, c'est je ne sais combien. Parce que chacun, en fonction de son âge, c'est-à-dire de la génération à la cohorte à l'intérieur de laquelle il est, et en fonction de la durée de vie moyenne de cette cohorte, aura des résultats différents pour la valeur du point. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire, mais ça veut dire qu'il va y avoir autant de cas, puis c'est très injuste. Moi, je suis dans ma cohorte, ma vie n'a pas été du tout la même, assis sur ma chaise et derrière mon bureau, que la vie d'un gars qui a été toute sa vie professionnelle, je sais pas moi, maçon, exposer aux intempéries, à faire des métiers qui ont une dureté physique. On n'est pas usé de la même manière, j'ai qu'à voir dans quel état sont mes copains qui ont eu des vies professionnelles plus physiques que la mienne. Hein. Donc c'est totalement injuste de faire des niveaux de retraite en fonction de la mortalité dans votre tranche d'âge. Bon, de toute façon, maintenant, tout le monde va y perdre. Petit à petit, tout le monde commence à comprendre que tout le monde va y perdre. Donc, cette réforme, elle est mauvaise pour tout le monde. Mais je mets ça de côté, moi, je vais aller au fond de l'affaire. Depuis que la société humaine existe, ceux qui sont dans la force de l'âge, comme on dit, hein, ceux qui sont en état de travailler, se préoccupent de ceux qui ne sont plus en état de le faire. D'accord ? C'est comme ça. Depuis toujours, hein, le plus fort aide le plus faible dans les groupes humains. Me dites pas le contraire, parce que nous autres, on est les héritiers de ceux qui s'entraidaient. Les autres, ils n'ont pas eu d'héritier, vu que comme ils étaient absolument égoïstes, ben, ils se retrouvaient tout seuls au moment où ça allait mal, et donc ils mouraient. Et ça, c'est très darwinien, voilà la raison pour laquelle les survivants, c'est nous, nous sommes les descendants des altruistes, des gentils, de ceux qui partagent, qui s'occupent des autres. Donc, la réforme Macron, c'est ça qu'elle rompt. Chacun a son petit tas de points, hein, et puis à la fin, il s'arrange avec son petit tas de points pour avoir sa retraite. Non, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. La retraite par répartition, c'est bien, ça marche. Et alors on me dit, oui, mais ça va être en déficit, mais ça va, quoi, à chaque fois ça recommence, avec cette histoire de déficit. Bon, là, le déficit, il n'y en a pas pour l'instant, il va être devant nous. Hein. Eh bien, il sera toujours temps de voir au moment où cette histoire se présentera, parce que des solutions, il y en a des dizaines, d'accord. Par exemple, si vous voulez faire la retraite à 60 ans avec 40 annuités, eh bien, vous n'avez qu'à payer les femmes comme les hommes, et ça fera un surplus de cotisations qui mettra le régime d'équilibre à 60 ans et 40 annuités. De la même manière, si vous voulez remettre des sous dans la caisse aujourd'hui, bah, par exemple, s'il y avait 1 million de plus de personnes au travail, non seulement il n'y a plus de trous, mais il y aurait de l'excédent. 1 million, ça s'est déjà fait, hein. Sous le gouvernement Jospin, 1 million de personnes ont retrouvé du travail, tous les comptes sociaux étaient ouverts. Ou bien encore, vous pouvez décider une augmentation de salaire. Chaque fois que vous augmentez les salaires de 1%, vous prenez 2,5 milliards sur le total de la population active de cotisations supplémentaires. Donc faut arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent, que c'est fini, que c'est plus possible. Si vous regardez l'argent qui a été redistribué en dividendes, vous savez que la France est le pays champion du monde pour les dividendes, hein. Les dividendes, c'est les sous qu'on donne aux actionnaires. Eh bien, si ça avait été partagé autrement entre le capital et le travail, entre ceux qui ont des actions et ceux qui bossent pour faire fructifier, eh bien, on n'aurait pas les problèmes qu'on a en perspective. Hein. Donc, c'est surtout une affaire de savoir comment on partage. Si on donne tout aux uns, rien aux autres, ben, le résultat, on l'a sous les yeux. Et le résultat que vous avez sous les yeux, c'est l'année dernière, 400 000 pauvres de plus. C'est 9 millions de personnes qui sont dans la pauvreté en France. C'est 2 000 personnes qui meurent par an dans la rue et de la rue, hein, etc., etc. C'est 100 000 personnes qui voient, quand ils ouvrent le robinet, tombent des petites gouttes parce qu'ils ne peuvent plus payer et qu'on leur coupe le robinet en disant que non, c'est pas vrai, que c'est pas coupé. C'est 300 000 personnes à qui on a coupé l'électricité. Donc un pays immensément riche, record d'Europe du nombre des millionnaires, hein, record d'Europe pour la distribution de dividendes, et pendant ce temps, 9 millions de pauvres. Alors voilà ce que j'ai à vous dire sur la retraite. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Voilà. Donc le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. Et moi, je ne vais pas vous le demander en vous disant « pardon, s'il vous plaît, je vous caresse la tête ». Non, maintenant, il s'agit de défendre le fondamental de ce à quoi on croit. Une société de solidarité et une société de partage. Hein. Et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin pour dire « il en a plus que moi ». Parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de défendre un bien commun. Bon, voilà, j'avais dit un petit mot, ça a été un peu long. Après, épicurien, vous venez à Nancy pour la promotion de votre nouveau livre, dont je ne crois pas que ça soit prévu. Et puis, j'aime mieux vous dire que c'est dur pour moi. Hein. Alors, l'autre jour, là, j'ai abusé. J'étais à Bordeaux. Alors, j'ai commencé, je crois, à 17h15 à aller au contact. Et bon, alors, on a fait ça. Puis après, je suis allé au film. Je me suis aperçu que ça faisait 8 heures que j'étais au boulot sans pause. Ben, ça, c'est pas raisonnable. Hein. Alors, on a décidé qu'on limitait un peu mes déplacements. Bon, ça n'empêche pas que demain, par exemple, je vais me trouver à Strasbourg. Alors, je vais signer le livre à la librairie, puis après je fais un saut vers la fin de la diffusion du film Lawfare, qui reprend les arguments que nous avons sur le procès politique qu'il y a en France. Bon, moi je me reconnais assez dans ce film, même si c'est pas moi qui l'ai fait ni écrit. J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reviens pas. pas la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. Je passe à Belleville, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leurs fauteuils. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue Dufour. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Voilà, mes amis, ce que j'ai à dire. Est-ce que la grève du 5 décembre peut créer un point de bascule? Bah oui, oui, oui, tout à fait. Si vous êtes nombreux dans la lutte le 5 décembre et dans la rue, eh ben oui, ça peut être un point de bascule. Enfin, ça peut donner du courage et comme on dit, la force va à la force, hein. Bon, alors si vous êtes nombreux, voilà. Que va faire l'ennemi? Alors je vais vous le dire. D'abord, les télés vont venir en disant que le mouvement est moins fort que prévu. Pour ça que maintenant ils disent que ça va être très fort, ce qui est vrai. Et puis aussitôt ils diront, est-ce que vous ne trouvez pas que ça s'essouffle? Hein? Ça c'est les médias, vous connaissez tous le truc par cœur. Si quelqu'un met le feu à un cajot, vous aurez immédiatement un gros plan sur les chaînes d'information en continu, sur le thème « ça flambe, ruche, moldu », bon, bref. Alors, évidemment, il y aura aussi, surprise, hein, des gens qui vont arriver, cagoulés, et qui, au premier cortège, iront casser deux ou trois ou quatre vitrines, et il y aura évidemment des gros plans là-dessus. Et comme d'habitude, pas un de ceux-là ne sera interpellé ni arrêté, on se demande pourquoi, mais en fait, on ne se demande plus tant que ça pourquoi. Et on sait tous à quoi s'en tenir. Après, on peut imaginer que les consignes que va donner à Paris le préfet l'Allemand, qui est un violent absolu et un irresponsable par-dessus le marché, vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre malheureux Manu de Lille, hein. Lui tirer dessus, c'est pas avec une balle, hein, qu'ils lui ont tiré dessus en caoutchouc, lui tirer dessus avec une grenade. C'est-à-dire que si la grenade était partie un quart de seconde plus tôt ou plus tard, il s'apprenait en pleine figure, et elle éclatait en pleine figure, elle n'aurait plus de visage aujourd'hui. Hein. Elle lui a tapé l'œil, elle l'a tué, cassé la pommette et crevé l'œil, et puis elle est tombée à côté et elle a explosé. Pourquoi ils font ça? Pour vous faire peur. Par exemple, ils disent, ah oui, ben voilà, c'est comme ça, c'est une bavure. Hein. C'était pas prévu. Non, c'est fait exprès. Vous avez un gars qui décide exprès de tirer dans la figure d'un autre en face, d'accord? Et la preuve que c'est une technique universelle, c'est qu'il crève les yeux partout. Par exemple, au Chili, eh bien, il y a 300 personnes qui ont perdu un œil. Il y a également 20 personnes qui ont été mortes, qui ont été tuées. Chez nous, c'est pas le cas. Alors là-bas, en plus, les militaires participent à la répression, alors ils torturent, ils violent, comme au bon vieux temps du général Pinochet, et ils tirent sur les gens, il y a 20 morts. Et alors, je dois vous le raconter, c'est que, si vous le savez pas, le gouvernement chilien a demandé à la France et à la Grande-Bretagne d'envoyer des experts policiers pour les aider à mettre au point leur technique de répression des Chiliens. Alors c'est la honte totale pour nous, hein, d'aller aider un gouvernement pareil, mais ça va se faire. De la même manière qu'ils avaient envoyé le juge Perruot, juge procureur du parquet, qui était venu me perquisitionner chez moi. Vous vous rappelez peut-être de ce personnage. Eh bien, il était allé voir le juge Moreau au Brésil, qui est devenu ministre du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Il avait été le voir là-bas pour faire de l'échange des bonnes pratiques. Vous imaginez, vous allez faire de l'échange des bonnes pratiques avec un fasciste, qui en plus est un nul sur le plan juridique, puisque Lula a été relâché, ce qui a annulé toute la procédure du juge Moreau, et 8000 cas jugés par cet homme ont été annulés. Alors donc, j'espère que le juge Perrault a pris des bonnes leçons, parce qu'en France, on tâche de faire mieux. Hein. Voilà. En tout cas, voilà où on en est. Ça peut être, en effet, un déclencheur, le 5, si vous entrez dans l'action. Et moi, je suis un peu surpris. Alors, je sais que le 5... C'est quelque chose qui, au départ, était un peu spontané. Hein. Ça n'a pas été si cadré que ça. C'est parti des gars de la RATP et de la volonté dans plein de secteurs d'aller à la lutte. Et puis, il y aura ensuite d'autres dates. Mais beaucoup de grèves sont reconductibles. Et je crois qu'il y a une rencontre des syndicats le 6 le matin pour savoir si la journée du 6, la grève est reconduite. Et moi, je vous dis mon point de vue. Hein. C'est pas très original. C'est faut battre le fer quand il est chaud. Les journées d'action sans lendemain, beaucoup de gens sont un peu se disent que ça sert moins que, hein, que si c'était autrement. Donc, comme le 7, c'est un samedi, le samedi, tout le monde peut venir sans que ça coûte une journée de travail. Donc, vous pourriez le 7 venir parce que de toute façon, le 7, il y aura des gilets jaunes dans la rue. Alors, si on était très nombreux, ça ferait un 5 à 7, quoi. On passe du 5 décembre, on fait la grève massivement et on est dans les cortèges dans la rue. Et puis le 6, et puis le 7, le samedi, alors là, tout le monde serait là et pourrait participer à l'action. D'accord ? Voilà comment moi je vois les choses. Après, Quentin Jarry. Non, alors, celui qui m'a posé la question sur la grève du 5 s'appelle Pisalis. Quentin Jarry. Un petit mot sur les élections américaines et la montée de Bernie Sanders. C'est intéressant que vous me posiez la question et je suis content que vous suiviez. Vous savez comme moi que si les États-Unis basculent à un vote Sanders, la face du monde est changée. On n'est plus dans le même monde. Pourquoi ? Parce que Sanders est un homme qui se réclame du socialisme. Hein ? Il faut oser le faire, hein, aux États-Unis. Et le système, les importants du Parti démocrate, les importants du Parti républicain, les médias, enfin bon... tout le monde se met sur Sanders. Alors la première technique, on la connaît, hein, ils ont inventé quelqu'un qui est mieux que lui, vous voyez, une gauche mais moins clivante, hein, vous voyez le genre, hein, parce que M. Sanders, il est trop clivant et puis il est agressif, vous voyez, hein, comme c'est nouveau, comme c'est surprenant. Donc ils avaient inventé le soutien à une autre candidate qui s'appelle Elizabeth Warren, qui était d'ailleurs soutenue en France par... le journal du Parti démocrate qui est Le Monde, qui est un quotidien très lié aux idées du Parti démocrate, il a le droit hein, d'ailleurs, hein, et qui faisait l'apologie de cette Elizabeth Warren. Alors, jusque-là, il faisait des sondages état par état. Hein. C'était moins bon pour Sanders qu'on l'avait cru. Et c'était meilleur pour Elizabeth Warren que ça s'est vu à la fin. Et à la fin, bon, alors lui, entre-temps, il a eu un pet au cœur. Hein. Bon, il s'en est remis très vite, il a recommencé sa campagne, mais... Et on le donnait pour mort, hein. Le gars, il était présenté comme ça. D'ailleurs, maintenant, il dit c'est la résurrection, comme s'il était mort. Naturellement, jamais mort. Mais c'est comme ça. Et là, ils ont fait un sondage national, et là, surprise, stupeur, Bernie Sanders est à 27%, la même chose que Joe Biden, qui est le candidat de l'establishment démocrate, qui aimerait bien que ce soit Biden qui soit le candidat. Alors, Elizabeth Warren, elle est dans les choux. Elle a rempli le boulot pour lequel elle était là, c'est-à-dire faire une diversion à gauche. Hein. Alors, elle se présente comme la gauche raisonnable, responsable. Elle dit qu'elle est pour le capitalisme. Hein, ça fait bien. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien, ça fait raisonnable, responsable. Tandis que, bon, Sanders, il est pour le socialisme. Alors là, pouf, on voit bien que ça ne peut pas le faire. Alors, quelle est la technique de là-bas des médias ? Vous allez voir, c'est très surprenant, parce que en France, nous, on ne connaît pas ça. C'est toutes les photos de Sanders, il a la bouche ouverte, le poing fermé, les cheveux en bataille, et on ne parle de lui, jamais d'une seule de ses idées, hein, ni de son programme, ni de choses comme ça, on ne parle que des embrouilles que l'un ou l'autre lui fait, Et donc, il n'est présenté que négativement. Et malgré ça, eh bien, il est à égalité avec le candidat qui, lui, est toujours présenté, souriant, vachement intelligent. Et chacune de ses propositions sont examinées après qu'on les ait bien dépoussiérées pour les montrer. Bon, d'accord, vous avez compris. Alors, bon, comme d'habitude, le système est pourri jusqu'à la moelle. Il défend l'argent, les puissants, et il s'acharne sur tout ce qui peut représenter une alternative à leur système pourri et à leur monde à l'agonie. Alors évidemment, Biden et Warren sont raisonnables hein, sur le plan de la lutte contre le dérèglement climatique, et Bernie Sanders, lui, est à fond les ballons là-dedans, en comprenant que c'est la civilisation humaine qui est en danger. Alors c'est intéressant de suivre cette élection. Moi, je vous garantis que dorénavant, depuis la précédente élection, je suis. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'élection française? Ben oui, parce que, si vous voulez, dans l'élection française, si les gens voient qu'aux États-Unis, le choix populaire qui s'est fait porte sur un homme aussi déterminé que Bernie Sanders, c'est aussi décrié par l'establishment, ça peut donner des idées ici en France. Si la classe moyenne nord-américaine préfère un personnage plus tranchant, plus engagé frontalement que les ramolos habituels du type Elizabeth Warren, Joe Biden et je ne sais qui encore, parce qu'ils vont en trouver d'autres encore, bon, ça sera un signal et je pense que ça fera réfléchir beaucoup de monde. Parce que maintenant, il faut élire des gens qui rompent avec le système, qui provoquent dans leur pays une rupture, qu'on passe à autre chose. On n'est pas en train de dire juste qu'on va corriger à la marge les abus du système productiviste, parce que tout le système productiviste est un abus. D'accord? Et donc, il suffit même pas d'ailleurs d'être, comment dire, sensible au problème du climat. Il faut le prendre dans sa globalité, en relation avec les questions sociales, en relation avec les questions de la production, de l'échange, de la consommation. C'est pas seulement, on va chauffer, on va régler le problème des passoires thermiques. Il faut régler le problème des passoires thermiques. C'est pas seulement que il faut appeler les gens à ne pas trop consommer tel ou tel produit, c'est qu'il faut arrêter de les consommer, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans trop de détails. C'est pourquoi, oui, je crois que l'élection américaine a un impact sur la nôtre. Alors ça, c'est la question que m'a posée Nicolas. Pensez-vous que les résultats... Alors, il y en avait deux, il y avait Quentin Jarry et Nicolas. Pensez-vous que les résultats de l'élection américaine en 2020 pourraient avoir une incidence sur l'élection présidentielle en 2022? Je termine en vous disant que c'est clair que si c'est Sanders qui est élu en 2020, ça déblaye, quoi, hein, devant nous, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas forcément l'État américain sur le dos, ces agences d'influence, ces personnages politiques à gages, hein, qu'ils ont partout, qui sont des agents d'influence, et avec leurs journaux et le reste. Alors, Ali Chaker, qu'est-ce que vous pensez de la révolution pacifique du peuple algérien? Ben, j'en pense le plus grand bien. Et je déplore de voir l'omerta qu'il y a sur cette révolution citoyenne en Algérie. La révolution citoyenne en Algérie, je pèse mes mots parce que un peu en bas où est la révolution pacifique. Il faut caractériser ces révolutions. Ce sont des révolutions parce qu'elles demandent un changement radical des institutions. Ce sont des révolutions parce qu'elles demandent un changement dans la hiérarchie des normes juridiques. Aujourd'hui, partout, c'est la compétition libre et non faussée au lieu de la solidarité. Et puis enfin, parce que dans tous ces pays se pose la question de la propriété collective de certains moyens de production et notamment du contrôle de la finance dans les pays. Donc l'Algérie est significative de tout ça, mais surtout d'une volonté d'unanimité, d'une volonté de rassemblement et d'une volonté pacifique qui est fondamentale. Ce qui est admirable, c'est que les Algériens soient pas sortis de leur fil conducteur pacifique. J'ai même vu des trucs incroyables, les gens qui passaient dans la rue pour les nettoyer après les manifs, pour vraiment laisser tout nickel. C'est des choses qu'on voit aussi dans d'autres pays, comme le Liban, comme l'Irak, où les gens, en plus des difficultés habituelles, surplombent, dépassent un clivage qui existait dans leur pays, qui est un clivage religieux, qui est un clivage ethnique. Et dans ces pays, avec un courage incroyable, les gens disent, ben non, nous ce qu'on veut c'est un vrai État laïque, ce qu'on veut c'est un vrai État indépendant, qui soit en rupture avec aussi bien les chefferies coutumières qu'avec les chefferies de l'argent, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes. Bon, Mais c'est quand même admirable, si vous voulez y réfléchir. Que ce soit le cas en Irak, avec la volonté de reconstruire une nation irakienne, qui ne soit ni dans la main des Américains, ni dans la main des Iraniens. Les mots d'ordre qu'on voit, ils sont absolument admirables, de lucidité politique de la part du peuple irakien. Et la même chose au Liban. À chaque fois, on a cette dimension de... On voit beaucoup de drapeaux nationaux en Algérie aussi. Et pourquoi ? Parce que c'est une volonté de dire, nous représentons une communauté qui a une légitimité. Dans le cas de l'Algérie, il y a aussi le drapeau berbère. Je ne comprends pas qu'on condamne les gens à des peines pareilles pour simplement avoir eu le drapeau berbère qui manifeste la permanence d'une culture qui existe en Algérie. Que c'est absolument absurde de faire comme si c'était pas le cas. Mais alors, je fais attention à ce que je dis parce qu'après je vois sur les réseaux, on dit oui, c'est de l'ingérence. Non mais attendez, on fait ce qu'on veut les gars. Le peuple algérien, ça serait le seul peuple du monde avec lequel on ne pourrait pas être solidaire. Quand il fait une révolution algérienne, parce que tu as deux, trois personnes qui sont là et qui considèrent qu'un Français a rien à dire, ben un Français, il a quelque chose à dire. Et en particulier moi, comme bien d'autres, parce que moi j'aime l'Algérie, en plus du reste, hein, des raisons politiques que j'ai d'avoir un avis sur la question. Non, nous sommes tout à fait dans notre droit, et je réclame haut et fort la libération des prisonniers politiques qui ont été faits en Algérie, qu'il faut qu'ils soient libérés, qui retrouvent leur liberté, parce qu'il n'y a aucune raison de les embastiller. Ces gens-là ne veulent rien d'autre que le bien de leur patrie. Alors, bon, voilà, je vous ai dit... alors après, Joël... attends, non, il y en a une avant. C'est mille choses à te dire. Est-ce que YouTube et Internet, en général, a modifié le rapport médiatique et politique que vous avez avec la population? Qu'est-ce qu'elle a pu changer? Moi, je ne suis pas bien placé pour en parler, parce que je suis à la fois la personne et le personnage. Hein. Les gens s'adressent beaucoup aux personnages. Certains se rappellent qu'il y a une personne. Donc, sont amicaux avec moi. Des fois même tendres, hein, c'est émouvant. Les gens voient, ça doit se voir sur ma figure de méditerranéen, tout ce que je ressens. Ils voient quand j'en ai marre, quand je suis épuisé. Alors on m'envoie des petits mots. Bon. Mais qu'est-ce que l'Internet a changé? Ben d'abord, c'est que il est impossible de m'invisibiliser. Ça, c'est notre plus grande victoire. Alors ça changera peut-être, hein. Peut-être que Facebook va définitivement nous virer de là, ou que YouTube va faire le ménage. Bon, ça s'est vu dans d'autres pays, hein. Mais pour l'instant, on est là. Et donc, il est impossible de m'invisibiliser. On s'est réparti un peu le travail entre nous. Moi, je vais peu dans les médias de l'officialité. Très peu. Je fais très peu de médias parce que, si vous voulez, il y a trop une volonté de faire un pugilat avec moi. Hein, de me prendre à revers, de me piquer pour voir si par hasard je vais pas ruer, vous voyez. Ils aiment, et donc à un moment donné, le problème il est plus politique. C'est un problème de l'idée qu'on se fait du respect de soi-même. Moi je suis pas un objet, pas un jouet dans leurs mains. J'en ai rien à fiche de leur audimat. Hein. C'est pas mon sujet. Alors j'ai décidé que, il y a des tas d'émissions, j'ai décidé que j'y mettais plus les pieds. Parce que c'est pas honnête, c'est... Et je veux pas faire semblant, je veux pas faire croire que c'est une émission honnête, que oui, ce sont de vrais auditeurs qui posent cette question pour la troisième ou la quatrième ou la cinquième fois. Bon, et toutes ces menteries du type France Inter ou je sais pas quoi, toutes les radios de l'État, quoi, du gouvernement, qui sont là et qui se donnent des petits airs faussement, vous savez, oh, ils sont impertinents, hein, enfin, sauf que pour lécher les mains, ils sont là. Donc, non, moi, j'y vais pas. Mais des copains, ils vont, ils font bien le travail... ils sont plus respectés parce qu'ils ont aussi, les autres ont une dent contre moi, hein. Faut vivre avec. Mais c'est pas important pour moi. Mon travail politique, c'est pas ça. C'est plutôt ce que je suis en train de faire là avec vous, ce que ça aide, hein. Il y en a, bon, ils apprennent rien en m'écoutant. Parce qu'ils souvent, ils sont à la plainte, ils en savent plus que moi sur le sujet. Mais d'autres, dans ma manière de raconter les choses, de les présenter, bah, ça les aide à, ou ça les confirme, ou ça leur soulève un angle qu'ils n'avaient pas vu. Bon, c'est à ça que sert ce... Pour moi, c'est ça mon travail principal. C'est un travail d'éveilleur, d'éclaireur. Hein. Je l'éclaire, on met de la lumière sur une situation, puis après, bah, chacun décide de ce qu'il veut faire. Hein. Voilà, c'est comme ça que je vois les plats. Par exemple, vous êtes 4500 en direct. Bon, ça va, je trouve que c'est un bon score. Ça me fait plaisir, j'espère qu'à vous, ça vous plaît de m'écouter. Donc... Ce que ça a changé, c'est que ça a créé une impossibilité de nous invisibiliser. Bon, voilà. Quand je vous dis qu'il y a 15 600 000 personnes qui ont vu en 3 ans les revues de la semaine, bon, ben, ça vous donne une idée quand même de l'impact que ça a, cette histoire-là. Hein. C'est 5 millions par an quand même, hein. Ça fait du monde. Hein. Alors oui, ça c'est payant. En plus, on a répandu dans tout le groupe La France Insoumise la culture de ce type de relations. Nous faisons, tout le monde fait des vidéos maintenant. Et vous êtes nombreux à regarder ou l'un ou l'autre. Bon, vous picorez, des fois plusieurs, des fois juste chez l'un ou chez l'autre. C'est aussi à ça que sert notre diversité, c'est que c'est plusieurs manières d'être et de présenter les choses. Voilà. Joël Mondreau, les médias français ne parlent pas souvent de vos idées. Ah bah, pourquoi, bah, cette blague? Pourquoi? Parce que les médias français, c'est 9 milliardaires qui les possèdent. Alors, il faut comprendre comment ça se fait. Si on dit, mais moi, j'ai jamais reçu, bah, évidemment, un coup de téléphone. Bah, oui, non, ils n'ont pas besoin. Comment ça se passe? Le milliardaire, il nomme le grand chef, et le grand chef nomme le sous-chef. Bah, évidemment que le sous-chef, il va être de la couleur qui fait plaisir au milliardaire qui paye le grand chef. À ce niveau-là des hiérarchies, les salaires sont... c'est vraiment beaucoup d'argent, hein, 20 000, 30 000, 10 000, bon, donc ces gens-là, ils ne vont pas faire autre chose que ce qui est attendu d'eux, hein. Et quel est le système qui paye quelqu'un aussi cher pour raconter des trucs, lire des fiches, bon, alors donc ils défendent un système qui rend ça possible. Nos idées, vous avez raison, alors elles ne sont jamais là. Alors par contre, les embrouilles, oui, hein, bon, vous avez même un quotidien dit de référence, soi-disant, et surtout un quotidien de révérence, qui n'a pas parlé une seule fois en maintenant 3 ans, une seule fois, d'une seule de nos propositions de loi, d'un seul de nos textes produits, d'un seul de nos amendements, ou d'un seul de nos rapports. Bon, par exemple, je me prends moi en exemple, puisque c'est à moi que la question est posée, j'ai fait un rapport avec un gars qui, bon, est lui aussi un peu hors catégorie, hein, Sonforger, Joachim Sonforger. Bon, type intéressant, pas de mon bord, enfin, c'est un toubib, il est député, il est intéressant. On a fait un rapport tous les deux sur les défis sur la mer. Ben moi, je vous mets au défi de trouver un quotidien, une chaîne qui s'y soit intéressée. Personnellement, je m'en fous, hein, qu'ils s'intéressent ou pas aux choses ne me concerne pas. Parce que je sais que les gens qui s'intéressent à ce sujet vont suivre, regarder. Mais c'est pour donner cet exemple, combien d'autres choses sur nos commissions d'enquête, nos propositions de loi, tout ça, on n'en parle jamais. Par contre, si ils ont l'impression qu'il y a peut-être moyen de faire en sorte que Ruffin et Mélenchon se fâchent, alors là, ouais, ça les intéresse, comme, vous savez, les mouches qui viennent là comme ça, bis, bis, bis, bis, bis. Bon, alors ça, oui, ça les... Ou Clémentine Autain et moi, ou bien tel ou tel du groupe, parce que Coquerel s'est fâché avec je sais pas qui, ça, oui, ça les intéresse. Mais bon, les gens, faut vivre avec ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on va proposer de tout changer, que ces gens qui sont payés pour que rien ne change vont venir nous voir, voir comment on propose de financer ça? On a fait un contre-budget, ça ne vous a pas intéressé, mais on s'en fout. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils arnaquent leurs lecteurs. Leurs lecteurs donnent des sous pour avoir des informations. Mais ils n'ont pas d'informations. Ils ont des comment penser, que faut-il penser de ceci ou cela. En plus, il ne faut pas être injuste parce que... bon, il y a les rubriques politiques qui sont souvent une catastrophe de macronisme, plus ou moins avoué. Puis après, il y a plein d'autres rubriques, il y a des cahiers. Bon, il y a, moi, je ne connais pas un quotidien dont je vous dirais « le lisez pas, c'est pas intéressant ». Il y a partout du travail qui est fait. Mais pour ce qui concerne les rubriques politiques, vous avez là des chiens de garde bon, qui font le travail pour lequel ils sont payés. Bon, alors ils sont là, des fois ils font ça pendant 10 ans. Hein. Je connais un journal où c'est la même personne. Depuis 10 ans, alors bon, ils s'ennuient à mourir, on les change pas de là, parce que c'est pour les mettre ailleurs, bon, et puis d'autres, bon, voilà, ils sont là, puis, bon, pour arriver à vendre un papier, hein, vous êtes à la rédaction, vous aimez bien que vos papiers soient publiés, hein, faut comprendre comment ça se passe tout ça, mais alors si vous venez en disant, eh, dites donc, il y a un rapport de Mélenchon sur la mer avec les défis, vous dites, ah, tu nous saoules, dites, il paraît que Mélenchon s'est disputé avec machin, ah oui, oui, donne, donne, parce que ils pensent que ça fait buzz, que ça, bon, voilà. C'est la forme décadente. Alors, vous vous rappelez qu'on avait nous lancé une idée qui était de faire un conseil déontologique de la presse. On a fait une pétition, presque 200 000 personnes avaient trouvé ça bien. J'ai mené la bagarre, on a auditionné des tas de gens, on a posé la question je ne sais pas combien de fois, notamment pendant la fameuse loi sur les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Et bon, ils nous avaient dit, bah, on va faire un rapport. Alors, il y a eu un rapport de fait par M. Hogg. Et puis, bon, maintenant, voilà qu'un certain nombre d'éditeurs sont tombés d'accord pour créer un conseil déontologie comme il en existe dans 40 pays. Bon, alors je ne demande pas qu'ils reconnaissent d'où l'idée est venue, parce que la vérité, c'est qu'au point de départ, c'était une idée qu'on avait empruntée au SNJ, le syndicat majoritaire des journalistes. Mais comme nous, on avait dit que c'était bien, évidemment, tous les journalistes avaient dit que c'était mal. Il faut comprendre que c'est pas les faits qui les intéressent, c'est ce qu'il faut penser. Alors donc, ah non, non, ça allait être la dictature, la tyrannie, Mélenchon et ses amis allaient surveiller tous les articles, blablabla. Bon, à la fin, quand même, comme ils paraissent quand même assez couillons, vu que ça existe dans tous les pays, dans tant de pays du monde, alors un état dictatorial comme la Suède, une dictature communiste aveuglée comme le Canada, bon, etc., etc., le Togo, qui a ça aussi, un conseil déontologique. Bon, alors nous, les Français, c'était la caste, ne rendre compte à personne, ne discute jamais de rien, et personne n'a le droit de la discuter. Alors ils ont décidé de créer ce conseil aussi pour lutter contre les fausses nouvelles. Alors moi, je vais commencer par dire que c'est bien, ils commencent par faire un conseil. Mais il faudrait pas trop qu'ils nous prennent pour des buses, hein. Si c'est un conseil qui a aucun pouvoir, et qui ne nous permet pas des sanctions symboliques contre les abus de pouvoir des médias, ça sert à rien. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un recours. Pas un recours financier, pas de condamnation, rien de tout ça, là là. Non, non, juste pouvoir dire, tel truc, c'est un mensonge. Telle attitude est inacceptable. Hein. Bon, publier des photos de Bernie Sanders tout le temps dans la même attitude insupportable, c'est pas acceptable. N'essayez pas de nous faire croire que c'est un hasard. Vous le faites exprès, pour salir quelqu'un, pour abîmer son image. Bon, si vous avez un journaliste qui fait soi-disant rencontre de ce que vous faites et publie 40 articles tous à charge, vous avez le droit de dire, bon bah, dites dans votre projet éditorial que, par exemple, vous haïssez les insoumis, vous avez le droit, c'est la liberté de la presse. Hein. Il y a un journal qui m'a traité d'islamo-collabo, on m'a dit, est-ce que j'allais porter plainte? Bien sûr que non. Ils ont le droit de se, comment dire, d'entrer eux-mêmes dans leur déchéance. Hein. Parce que pour moi, c'est une déchéance de faire un titre pareil. Comme j'ai dit, c'est la liberté de la presse. Voilà que dans le journal, ils ont marqué Mélenchon défend notre journal. Non, non, non. Je défends rien du tout. Je défends la liberté de la presse. Vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, y compris des horreurs qui vous disqualifient moralement et intellectuellement. Bon, faut pas que ça aille trop loin. Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, brave gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touchés. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Quel est votre avis sur Julian Assange? Alors, attends, il y a un truc sur... qu'est-ce que c'est que ce nom, Hello Sub? Quoi? C'était Yellow, je comprendrais, Submarine, c'est une chanson des Beatles, non, Hello Sub, bon. Quel est votre avis sur Julian Assange? Ben, je considère que Julian Assange est un héros. Alors, j'ai été le visiter quand il était à Londres, et bon, je participe à ma manière, peut-être que j'ai raté une occasion, ou peut-être, hein, ici ou là, de prendre sa défense. Mais j'ai toujours défendu. Et ils avaient monté un truc assez pourri contre lui. C'était que pendant qu'il était en Suède, il y avait deux jeunes femmes qui avaient été encouragées à porter plainte contre lui. Pour des raisons de sexuelles. Hein. Alors l'une d'entre elles se plaignait, si mes souvenirs sont bons, de relations sexuelles par surprise le matin. Et puis l'autre, je sais plus, enfin bon, elles avaient des raisons de se plaindre compte tenu de la possibilité que donne la loi suédoise de faire ça. Mais les filles, elles avaient réfléchi en cours de route et elles trouvaient que ça commençait à faire cher. Bon, enfin bref, l'embrouille s'était dénouée dans leur tête, mais pas à la justice. Donc, Assange sort de Suède en disant, bon, est-ce que je dois rester ou pas, est-ce que je peux sortir? Il le laisse sortir. Et une fois qu'il est dehors, poum, il lance un mandat d'arrêt international contre lui. Pour, alors ouais, ça le fait, quoi. Hein, dans la presse, quand chaque fois qu'un d'entre nous parlait d'Assange, on disait, non, il a un problème grave de viol, etc., etc. Bon, on nous a fait le numéro. Et lui, Assange, a dit, mais moi, je retourne en Suède. Je suis d'accord pour retourner en Suède, pour m'expliquer, éventuellement, pour faire l'objet de poursuites, mais je demande comme garantie qu'on ne me livre pas aux États-Unis d'Amérique. C'est tout, c'est la seule condition qu'il avait mis. Et la Suède a refusé de lui donner cette garantie. D'accord? Et en effet, s'il était revenu en Suède, le lendemain, il aurait été remis aux États-Unis d'Amérique, qui haïssent Assange et veulent sa peau, alors que c'est un journaliste qui a rendu un service inouï à nos pays en nous révélant les pratiques d'espionnage des États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai proposé qu'on lui accorde l'asile politique. C'était sous Hollande, alors autant parler qu'un mur, hein. Et j'ai même proposé à un moment donné qu'on lui donne la Légion d'honneur, parce que ce gars nous a rendu service, il a démasqué les pratiques des États-Unis, qui écoutaient tout le monde en France, hein, le président de la République, les assemblées, les négociateurs, bon, bref. Donc Assange est un héros de la liberté de la presse. Et les médias qu'il avait d'abord encensés et pris son matériel, ensuite ont commencé à dire « oui, mais on s'interroge ». Sur ce qu'il a pu faire en Suède, et puis après c'était « oui, mais il n'a pas été clair par rapport à la Russie ». Donc, bref, ils l'ont tous laissé tomber, conformément à ce qu'ils sont, c'est-à-dire eux-mêmes des marionnettes dans la main d'autres gens. Et voilà que, pour finir, le gouvernement équatorien tombe dans les mains d'un traître, qui s'appelle Lénine Moreno, qui s'est fait élire avec notre étiquette de parti, Alianza País, et une fois qu'il est au pouvoir, tchouf, il change de camp, et il passe à la droite dure, hein, dure et violente. Et évidemment, il s'arrange avec les Américains, et notamment avec le FMI, et c'est drôle, hein, la semaine où il annule l'asile diplomatique qui avait été donné à Assange, cette semaine-là, il obtient l'accord du FMI pour avoir un prêt, le monsieur, le nouveau président de l'Équateur. Et donc, ils ont donc expulsé Julian Assange de l'ambassade d'Équateur où il était enfermé. Alors, faut se rendre compte de comment c'était, hein, les gens. On arrivait devant l'ambassade, il y avait deux policiers anglais. Sur le trottoir d'en face, il y avait un camion avec un gros écouteur pour écouter ce qui se passait là-haut. Et quand vous montiez dans l'immeuble, parce que l'ambassade, elle est modeste, hein, c'est dans un appartement, sur le palier, vous aviez un comptoir avec un policier qui contrôlait tous ceux qui rentraient et qui sortaient. Voilà. Et dedans, ce pauvre Assange, enfermé dans une pièce de l'ambassade, vous avez qu'à vous imaginer, une pièce qui faisait, je sais pas moi, 12 mètres carrés, coupée en deux par une bibliothèque pour empêcher le son de ce qu'il disait de se propager à travers les vitres et d'être entendu par la voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un garçon qui s'est tapé 5 ans de prison. Et maintenant qu'il est dehors, ils l'ont mis en prison, à l'isolement, et ils lui pratiquent sur lui des tortures psychologiques, hein, avant peut-être de le rendre aux Américains. Donc je trouve que son sort est tout à fait pitoyable. Je réclame avec de nombreuses personnes sa libération, son accueil en France avec l'asile politique, et si on le peut, évidemment sa décoration, mais ça serait déjà bien qu'il sorte de prison et qu'on ne le laisse pas mourir à petit feu dans cette prison, comme c'est l'espoir des Nord-Américains qui sont d'une cruauté et d'une violence. Il faut vous rendre compte que les USA, c'est le pays où la torture est légale. Hein. Le centre de Guantanamo n'a jamais été fermé, et on y torture des gens toute l'année. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui a des prisons secrètes en Europe et à peu près partout dans le monde. Hein. C'est un pays extrêmement agressif qui, sur 229 ans d'existence, a 222 ans de guerre. Hein. Bon, mais enfin ça, on n'a pas le droit de le dire parce que ça ne le fait pas, mais bon, moi je le dis quand même parce que c'est la vérité. Alors, je vous regarde du Brésil, Enora Verde, et j'aimerais avoir votre avis sur la situation en Amérique du Sud. La censure s'installe, la dictature aussi. Que pouvons-nous faire ? Les manifestations ne suffisent plus. Bon, alors attendez, Enora, moi je ne me mêle pas de vous dire ce que vous devez faire. Hein. Je préfère le dire d'entrée de jeu. Ce qui est vrai, alors, à Mélenchon, l'Amérique du Sud, j'ai déjà dit 100 fois, écoutez, la chaîne de l'impérialisme et du néolibéralisme en Amérique du Sud, qu'elle a craqué. Donc pour quelqu'un comme moi, qui veut changer le monde, qui veut changer les règles du jeu de la société, je vais à l'endroit où la chaîne rompt pour voir comment ça se passe, comment ils font pour apprendre. Hein. Parce que les Européens sont toujours en train de donner des leçons à la Terre entière. Mais alors, ce qu'on fait est tellement brillant que ça vaut la peine qu'on s'y arrête, hein, sans doute. Non, c'est vraiment en Amérique du Sud qu'a été la plus grande inventivité, et en quelque sorte des signaux politiques ont été donnés d'un bout à l'autre de la Terre. Hein. Le mot d'ordre initial, que c'est « vayan todos », qu'ils s'en aillent tous, vous le retrouvez aujourd'hui au Liban. Et les Libanais, ils précisent, hein, ils disent « tous, c'est tous », c'est-à-dire tout le monde, hein, tous ceux qui sont dans la casse. Alors, donc l'Amérique du Sud, c'est très important, pour nous tous, parce que c'est l'endroit où la chaîne a rompu une fois. Ensuite, les Nord-Américains et leurs larbins ont commencé à expliquer que oui, ça y est, c'était fini, qu'on n'en parlait plus. Alors bon, ils font des coups d'État là où ils peuvent. Ils mettent des pays sous embargo comme le Venezuela, puis après ils disent « Oh, comme c'est drôle, il n'y a rien qui marche ». Bon, voilà, enfin, vous connaissez la technique qui rend les gens enragés, puis après ils s'étonnent que les gens se disputent. Bon, vous connaissez la blague sur les États-Unis d'Amérique ? Faut que je vous la raconte, celle-là. Pourquoi il n'y a jamais de coup d'État aux États-Unis d'Amérique ? Alors qu'il y en a en Bolivie, d'accord, il y en a partout. Partout. Il y en a eu au Honduras, il y en a eu au Guatemala, il y en a eu même au Panama, il y en a partout. Vous savez pourquoi il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis ? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis. Ok ? Voilà. Ça, c'est la blague dans toute l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que les proconsuls nord-américains, autrefois c'était Negroponte, chaque fois qu'il arrivait quelque part, vous étiez sûr que 2 mois après, il y avait un putsch. Et là, c'est Mike Pompeo, qui est le grand proconsul pour toute l'Amérique du Sud. Bon, alors à chaque fois qu'il arrive dans un pays, comme ses prédécesseurs, bon, par exemple, en Bolivie, ils ont monté le coup. Hein, alors, ils ont bien préparé leur réseau de presse internationale, leur larbin qui avait déjà reconnu le fasciste Guaido du Venezuela, là, qui est lié avec les narcotrafiquants. Et puis, ils avaient tout monté leur truc, et ils ont fait un coup d'État. Alors, bon, dans les autres ces pays, c'était, oui, il y a un problème avec les élections en Bolivie, nanani, nanana, il faut rétablir la démocratie, donc les mecs sur place sont sentis encouragés à rétablir la démocratie à coups de bâton, en faisant des pogroms d'Indiens, en assassinant des gens, et là, on a découvert une chose à quoi on s'attendait pas, c'est qu'ils avaient la liste d'absolument tout le monde, avec les domiciles, et que donc, ils ont commencé par aller piller et incendier la maison de la sœur de Evo Morales, sa propre maison à lui, et tout le monde a été menacé jusqu'au niveau du comité de quartier du parti de Evo Morales. Ils avaient son adresse. C'est la raison pour laquelle moi je suis si regardant sur les fichiers. Hein, et je vous rappelle que dans les perquisitions ont été saisis le fichier du parti de gauche et peut-être le fichier de la France insoumise, et que ces fichiers-là, comme ceux qui s'occupent de ça, vendent tout, je sais pas ce qu'ils font avec, hein, mais ils vendent aux journalistes, à qui veut, les documents qu'ils ont, et la preuve, c'est que les comptes rendus sont donnés, donc ça donne des résultats qui peuvent être tout à fait désastreux, parce que, comme vous le savez, il y a que des démocrates dans la police, donc là, de ce point de vue, on est tranquille, mais il y a d'autres professions où c'est pas le cas. Hein. Donc vous m'avez compris. En attendant, ces scènes montrent que les pouvoirs qui sont en place ne reculent plus devant aucun moyen, et en particulier les pouvoirs néolibéraux. J'avais été surpris que dans une enquête, aussi bien aux États-Unis qu'en France, oui, j'avais été surpris, je dois l'avouer, on voit que les formations politiques, les gens, les partisans politiques les moins attachés aux institutions démocratiques, c'était les libéraux. Moi, je pensais qu'au contraire, ça serait ceux qui seraient le plus intéressés. Non, parce qu'il y a chez eux une espèce d'appétit pour une pseudo-efficacité économique, pseudo-efficacité dans la vie, qui fait que pour eux, la démocratie, c'est des parlottes qui n'en finissent plus, et ils ne l'aiment pas. Et en effet, partout, la violence est terrible. En Bolivie, au Chili, je vous ai raconté tout à l'heure, mais je pourrais prendre comme ça toute une série de pays. Alors, bon, notre amie Nora, elle dit les manifs suffisent pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Chili, on est passé du fait instituant. Les gens se battaient contre l'augmentation du ticket de métro, qui a été en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Et je dis goutte en connaissance de cause, parce qu'avant ça, dans tous ces pays, il y a souvent eu des luttes écologiques pour l'accès à l'eau et au réseau collectif de l'eau, et de l'eau potable ou de l'eau pour l'agriculture. C'est vrai au Chili, mais ça a été vrai en Irak, ça a été vrai au Liban, ça a été vrai dans toute une série de pays. Et dans ces luttes pour l'accès au réseau, s'est constituée une volonté politique, les gens disant « mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Pourquoi ça marche pas? Allez-vous-en tous, vous êtes en plus des corrompus », ce qui est vrai dans la plupart des cas. La connivence entre les lobbies, hein, ça on appelle lobby, parce que ça fait joli, en fait c'est corrupteurs, hein, comme au Parlement européen, comme ailleurs, qui sont là, qui conseillent, qui demandent, qui proposent, payent des conférences, des ceci, des cela. Bon, les gens perçoivent, ils sont pas fous, ils se rendent bien compte que il y a quelque chose qui tourne pas rond, et les affaires de corruption sont assez nombreuses. Alors, on est passé à cette deuxième phase, d'abord la phase instituante, et puis la phase dégagiste, destituante, c'est-à-dire les gens disent, ça va, on vous a assez vu, fichez-moi le camp de là. Et puis, moi, je me posais la question, comme beaucoup de gens, et comme la personne qui m'a posé cette question, comment on passe à l'étape suivante? L'étape suivante, c'est l'étape constituante, où le peuple lui-même définit une nouvelle règle du jeu politique à travers une assemblée élue pour ça. Et là, une fois de plus, c'est du Chili qu'est venue la réponse, parce qu'au Chili, la revendication est arrivée, comme c'est le cas en Irak aussi, où ils veulent un changement de régime, au Liban, où ils veulent un changement de régime, en Algérie, où il y a question d'une constituante, et c'est venu du mouvement, de la base. Alors, peut-être qu'ici, là, évidemment, je le sais bien, il y a des gens qui avaient cette idée dans la tête, mais cette idée, elle a rencontré une énergie de masse de gens qui réclament que ces assemblées constituantes aient lieu. Si bien qu'au Chili, c'est l'assemblée qui a voté qu'il y aurait un référendum pour savoir si on convoque une constituante ou pas. Donc vous voyez que les manifestations ont produit un effet extrêmement important. Et maintenant, la question, c'est de savoir à quel rythme cette affaire-là va se conclure. Ce qui est, alors, souvent le problème qui se pose, c'est qui décide, hein ? Mais moi, je ne peux faire qu'observer. Et encore une fois, pardon, j'y reviens, parce que vraiment, le Chili est une source d'inspiration terrible. Ils ont créé une espèce de comité qui correspond à la formule de fédération populaire dont j'ai parlé en France. Alors, dans cette fédération-là, il y a tout, des associations de défense des droits de l'homme, des associations de quartier, des associations, des personnalités politiques qui acceptent de participer à tout ça à égalité. Par exemple, au Chili, le sénateur Navarro, qui est un des hommes de l'opposition de gauche, bon, et qui est le président de la commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, fait partie de cette fédération populaire, de cette coordination populaire, on l'appelle comme on veut, personnellement je m'en fous. Mais vous voyez que donc, les mouvements qui ont lieu dans ces pays ont été capables d'instituer une volonté collective, de désigner des adversaires qu'ils veulent éliminer, de s'auto-constituer, et même de fabriquer une direction politique. Donc moi je partage pas votre pessimisme, quand vous dites les manifestations ne suffisent pas. Mais bon, après, je n'y suis pas, je ne suis pas en état de dire autre chose que ce que je vous dis là. Pour la France, je sais ce que je dis. C'est tous dans la rue le 5 décembre, le 6 et le 7, hein, au minimum, voilà. Bon, je sais que ma réponse, je vais vous dire, elle est honnête, quoi. Je ne suis pas le stratège mondial qui va dire à chaque pays, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Mais ne sous-estimez pas les victoires qui ont été remportées par les mobilisations populaires. Alors, comment va votre collection de cactus, me demande Léa Stark. Alors, je la commence. On m'en avait offert un petit qui était dans mon bureau, qui a disparu un jour. Je pense que mes collaborateurs n'ont pas su se tenir. Ils ont dû l'inonder, ce pauvre cactus qui était microscopique. Il a donc pourri sur pied. Et un jour, on m'a dit, il n'y en a plus. Ça doit être les jardiniers de l'Assemblée nationale qui l'ont embarqué. Mon œil, c'est eux qui l'ont tué. Alors, depuis, ils m'en ont ramené un autre. Et je crois que cette fois-ci, tout le monde va éviter d'aller lui mettre de l'eau tous les jours, parce qu'on le tue. Alors, j'en ai acheté un moi-même, et je l'ai installé chez moi. Et on fait une bonne équipe tous les deux. Le matin, je tire le rideau, je pousse le cactus devant la fenêtre pour qu'il prenne la lumière. Je veux dire que j'ai une grande affection pour lui. J'en ai repéré un autre chez un marchand qui est une couleur verte. Mais vous voyez, le vert de l'eucalyptus qui a des feuilles rondes. Hein, c'est un vert pâle. On dirait la mer à l'horizon à Tanger. C'est un vert très spécial. Donc j'ai idée de... Voilà, ça sera mon deuxième cactus. Mais il ne faut pas non plus que je me mette à en mettre partout parce que ça va finir par faire rire de moi. Élise Berry, êtes-vous en train d'écrire en ce moment? Si oui, votre prochain livre traitera de quel sujet? Alors, comme vous savez, j'ai un ou deux romans rentrés. J'attendrai, je ne sais pas quoi, mais je finirai par m'y mettre. Là, je travaille avec une petite équipe de gens superbes qui sont des collaborateurs sur la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. C'est-à-dire que par rapport au livre que j'ai déjà publié sur le sujet, la thèse est beaucoup plus avancée, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus fouillée, descriptive, et sa valeur descriptive et prédictive est beaucoup plus élevée. En réalité, cet été, c'était là-dessus que je travaillais au départ. Hein. J'ai changé d'avis en cours de route après avoir compris que le dernier trimestre de l'année 2019, je pourrais pas me dépatouiller de cette histoire de procès là, à propos des perquisitions, et que donc ou bien je disais rien et je faisais comme si j'avais pas vu, ou bien avec les copains, parce qu'on est quand même six hein, dans cette galère, on y allait franco et frontal, on assume, c'est de la politique, et le gouvernement nous fait un procès politique. Pour l'instant, c'est plutôt le gouvernement qui a disjoncté, parce que ils ont donné des consignes, je suppose, parce que tout d'un coup, le parquet s'est mis en mouvement partout, s'est mis à pourchasser à peu près tout le monde. Et vous avez remarqué, nous, on va deux jours en procès, on a les télés matin, midi et soir pendant les deux jours. Madame Le Pen, elle est en procès sur ses assistants parlementaires. Quick, personne n'en parle, parce que je vais vous expliquer, Madame Le Pen a été dédiabolisée, et nous, il s'agit de nous diaboliser. Ça m'a enlevé en dehors de la question du livre, mais pour l'instant, c'est là-dessus que je travaille, beaucoup. Je fais des conférences, alors... Ça peut me conduire à faire des erreurs, parce que j'étais à Aix l'autre jour, ils m'ont super bien reçu, mais j'ai fait une conférence à la réflexion que je trouve trop académique. Je veux dire, ça décrit l'ère du peuple en tant qu'épisode de la civilisation humaine, ça décrit alors ses caractéristiques, qu'est-ce que le peuple, tout ça, et puis ça décrit la révolution citoyenne, ses phases, mais je me reproche de pas avoir assez montré quel rapport ça avait avec les nécessités du moment en France. Alors je vais essayer de faire ça à l'IEP de Strasbourg, parce que jeudi soir, je dois faire ça. Mais il faut vous rendre compte que je fais des conférences une par mois en deux épisodes, ici au siège du mouvement La France Insoumise. Et c'est deux fois deux heures, quoi. C'est tuant, c'est quatre heures. C'est de la formation. Donc moi, après, il faut que je passe des formats de deux heures, de plus de quatre, à une ou moins de une. C'est ce que j'essaye de faire à Aix. Ça a duré une heure dix minutes. Je vais voir ce que ça va donner, mais ça m'aide beaucoup de faire la conférence pour écrire d'une manière plus synthétique et sans doute plus rapide, j'espère. J'espère que vous aimez, si vous achetez mes livres, n'hésitez pas à m'envoyer des remarques, et en particulier quelque chose qui compte beaucoup pour moi, au-delà des idées, parce qu'après chacun pense comme il veut, les gens qui achètent mes livres, c'est aussi parce qu'ils s'intéressent à ce que je raconte, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce que je dis, hein. Parlez-moi aussi un peu de la forme, dites-moi si ça vous a convenu, parce que pour moi c'est une grande importance, hein. Je vous rappelle que je suis un littéraire au départ, donc pour moi écrire un livre c'est pas une opération de communication. Bien sûr qu'il y a un rapport de communication à partir d'un livre, mais un livre c'est plus, c'est un travail, c'est de la réflexion, c'est du dialogue, c'est de l'échange. On écrit des livres pour être lus, pas pour montrer aux autres qu'on est vachement intelligent, qu'on est capable d'écrire un livre, parce qu'à ce moment-là, j'en suis à mon 20e, donc quand je réalise 20, tout ça va passer directement dans le néant, parce que la littérature politique, elle se conserve pas. C'est comme ça. J'aimerais bien que la mienne se conserve, mais je crois que pour l'instant, c'est pas... Non, c'est pas ça. J'ai pas encore écrit le super livre dont je pourrais dire, écoutez, voilà, c'est ce livre, c'est moi. Bon, peut-être que c'est parce que la politique est beaucoup un exposé et une lutte vivante. Bon, alors ça, c'est pour Élise Berry. Merci de m'avoir posé la question parce que j'adore parler de ça. Bonjour, pensez-vous que la Chine va accepter l'éveil démocratique de Hong Kong? Ne faut-il pas s'attendre à une dure répression, demande Christian Fontaine. Non, c'est pas qu'il faut s'attendre à une dure répression, elle a déjà lieu. Il y a une très dure répression. Le problème, c'est pas que la Chine, en tant que nation, accepte l'éveil démocratique de Hong Kong ou pas, c'est que, est-ce que le Parti communiste chinois et les dirigeants chinois peuvent s'accommoder de ce qui se passe à Hong Kong? Clairement, ils ont déjà fait un choix, hein, parce que ils auraient pu faire Tiananmen bis. C'est pas ça qu'ils sont en train de chercher à faire. Ils essayent de trouver un point d'équilibre avec les demandes de la population de Hong Kong. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'adhésion à la propagande sur le sujet. L'affaire à Hong Kong, elle démarre quand il est décidé que les jugements d'appel des sentences rendues à Hong Kong pourraient se faire en Chine continentale. Bon. Alors, les gens ont dit non, pas question. Nous, on veut que ce soit ici que ça se passe. Et puis après, a démarré, bon, ce que vous connaissez, c'est-à-dire des manifestations, la répression des manifestations, et on s'en est pris comme de juste au pouvoir. Je veux dire, la même chose que ce qu'on fait en France, hein, je vous signale. Est-ce que Macron va s'accommoder de l'éveil démocratique de la France? Vous connaissez la réponse? Ben, je vous l'ai dit, c'est non. Bon, il s'y accommode pas. Donc, les pouvoirs qui s'accommodent de gens qui les mettent en cause sont rarissimes. D'accord? Et celui de Chine, pas plus qu'un autre. Sauf que leur problème, de leur point de vue, paraît beaucoup plus compliqué parce que Hong Kong est un bout qui a été enlevé, puis rendu à la Chine, parce que Hong Kong est chinois. Hein, j'espère que personne n'en doute. Mais les revendications des gens de Hong Kong, c'est pas que qu'ils aiment pas le Parti communiste chinois. C'est des revendications sur les prix des loyers, c'est des revendications sur le prix des transports en commun, sur les principales ressources qui font la vie de tous les jours. Et ça, c'est dans le cahier de revendications. Alors posez-vous la question, est-ce que les capitalistes de Hong Kong sont prêts à accepter de payer plus cher leurs employés, de faire payer moins cher les loyers? Ça aussi, c'est une bonne question qui éclairera le paysage. Je crains que si on simplifie en faisant un problème entre les dirigeants chinois et la population de Hong Kong, on se taille une bonne conscience à peu de frais. L'affaire est un petit peu plus compliquée au sens où elle est banale. Elle est mondiale, c'est pareil que l'Irak, c'est pareil que le Liban, c'est pareil que la France, c'est la même chose. La première fois que j'ai dit ça, on m'a dit « Ah, comment vous osez comparer Hong Kong à la France ?» Bah oui, bon, sauf que pour les éborgnés, il y en a moins à Hong Kong, ainsi que de mains arrachées. Bon, après, c'est pas le même régime politique, mais enfin, quelqu'un d'entre vous a l'intention de pavoiser à propos du régime politique en France ? Quelqu'un va venir me dire « Ah ben ça, c'est un modèle qu'il faut qu'on propose aux gens de Hong Kong ». Alors, par exemple, les médias chez nous sont libres, la preuve, 9 milliardaires les possèdent à 90%. Bon, alors nous, alors attention, hein, on n'a pas un parti unique hein, qui dirige tout. Par exemple, Madame Belloubet, elle refait pas la carte judiciaire en fonction des intérêts électoraux de La République en Marche. Bien sûr que si. Hein. Donc, il faut un peu qu'on rabaisse le ton sur notre prétention à expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Moi, je suis solidaire de la population de Hong Kong, de son auto-organisation et de ses revendications sociales et démocratiques. Bon, voilà. Est-ce que les dirigeants chinois vont s'en accommoder? Ma réponse à nouveau est non. Et ils essayent de trouver une façon de faire en sorte qu'ils puissent traiter avec. C'est ça qu'ils essayent de faire. Exactement comme Macron le fait ici. Alors, Macron, il le fait en racontant des bobards, en brouillant les pistes, en enfumant tout le monde, en essayant de diviser, bon bref, comme font tous les pouvoirs du monde. Quel argument sortir aux jeunes de mon âge à la fac, dit Loïc, pour les encourager à manifester et à faire comprendre que ça ne sert pas à rien de se mobiliser? Non mais qui vous a collé dans le crâne que ça servait à rien de se mobiliser? C'est quoi ce truc? D'où ça sort? D'où ça sort que c'est servi à rien? Les gilets jaunes, ils ont fait une action pendant des semaines et des semaines, on est d'accord? Ça a servi à 10 milliards qui ont été reversés. Alors évidemment, après Macron nous a arnaqué parce qu'il a mis sur ces 10 milliards à payer par le commun des mortels, mais arrêtez de dire que ça sert à rien, c'est pas vrai. Toute lutte finit par payer. Alors bon, c'est pas tout de suite, c'est pas instantané. Ah ben ouais, ben c'est comme ça. C'est comme ça depuis que le monde est monde, parce que tu as des gens qui sont puissants, et nous, nous n'avons que la force de notre nombre. Donc il faut être rusé et habile pour savoir regrouper, mettre dans l'action, quand le rapport de force est pas bon, savoir reculer pour repartir à l'assaut. Il faut faire fonctionner sa tête. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Je peux dire aux gens, mais d'accord, faites les moutons, regardez. Vous n'avez rien fait jusque-là? Waouh, ça a payé. Regardez les beaux salaires que vous avez. Regardez comme vous avez les tarifs du CROUS qui sont géniaux. Regardez comme vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour suivre vos études. Donc la non-mobilisation, le résultat, c'est la vie que vous menez. Elle vous plaît? Non. Alors faut vous mobiliser. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si vous faites les moutons, vous serez tondu. Si vous vous insurgez, eh ben vous faites fonctionner votre tête et vous devenez des citoyens, parce que vous vous occupez de votre vie. Les droits de l'homme, virgule, et du citoyen. Les droits de l'homme, ça n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est les droits de l'homme et du citoyen, et de la citoyenne hein, aussi. Hein. Ne prenez pas la tête avec ça. Bon, ça veut dire que c'est par l'action et la participation et l'implication qu'on fait valoir ses droits. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Tu veux pas te battre, te bats pas, reste dans ton coin, mais viens pas pleurer. Viens pas dire après, ah ben c'est dur parce que j'y arrive pas et tout. Ben, si tu y arrives pas, t'as qu'à te battre pour y arriver. Bon, c'est un peu vigoureux ce que je vous dis, mais c'est pour dire, ça va quoi, hein, hein. Puis quoi encore, le goûter à 4 heures? Non, faut se battre. Et ce qu'il faut dire les gens entendent, hein, la plupart du temps, quand ils se mobilisent pas, il faut pas non plus les mépriser, parce que des fois, il y a un équilibre. Le gars ou la fille doit aller au boulot pour gagner sa croûte, pour pouvoir aller étudier. Alors, le temps où il n'est pas au boulot, c'est pour étudier, il n'a pas forcément du temps pour participer, ça a été fait pour ça. La paupérisation des étudiants, c'est pour qu'ils ferment leur bouche. Hein. Bon, mais c'est pas vrai que les étudiants sont pas capables de se mobiliser, ils le font. Bon, Loïc, bon courage, hein. Mais surtout, te laisse pas impressionner par ceux qui prennent des grands airs, tu vois, là, les beaufistes. Hein. Bof, à quoi ça sert? Ben, voilà, on les connaît, ceux-là. Il y a un très beau texte de Antonio Gramsci, dont tu as dû entendre parler, qui s'appelle « Je hais les indifférents ». Et Gramsci dit, bon, tout ce qu'on fait, bute sur les wagons plombés de ceux qui que ça intéresse pas ou qui beaufisent, voilà. Donc, nous, on représente autre chose, ben, des fois, on a raison et on entraîne tout le monde, puis d'autres fois, non, et on prend tout dans la tête. Yann Boulet, cher Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui maintient si vif votre espoir qu'un nouveau système est possible en France et dans le monde? Qu'est-ce qui anime votre confiance en l'être humain? Bon, ben, je vais vous dire, j'ai pas le choix. Bon, ça c'est une réponse un peu humoristique et rapide, mais oui, on fait tous des choix intellectuels, moraux, philosophiques, des fois religieux, des fois tout ça colle, d'autres fois ça colle pas. La confiance dans l'être humain, c'est pas que j'ai confiance, je n'ai confiance que dans sa perfectibilité. Les êtres humains sont les seuls qui s'auto-construisent. C'est le seul animal qui s'auto-construit. Alors, il est capable de s'auto-construire en détruisant tout autour de lui, mais c'est un être qui construit sa destinée. Donc, il n'est pas la créature et la marionnette d'une providence qui serait là. Il s'auto-construit et il est responsable de ses actes. Donc, on peut faire le pari raisonnable qu'il va se comporter d'une manière altruiste et digne. Et sur le fil long de l'histoire, on peut dire qu'en dépit de bien des souffrances, c'est ce qui se passe. Mais nous, on a un choix à faire, chacun de nous. Être libre, c'est faire ce choix, et ensuite l'assumer jusqu'au bout. Quand bien même les circonstances ne s'y prêtent pas, quand bien même les autres ne sont pas d'accord. Bon, il faut prendre un petit bout du stoïcisme, pas tout, hein, parce qu'il y a quand même des choses très discutables, à mes yeux, dans la logique stoïcienne. Mais, voyez-vous, les stoïciens disent « il y a des choses contre lesquelles on peut quelque chose, alors on le fait ». Et puis il y a les choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Ça existe, hein. Des fois, ça existe. Ça peut être une maladie terrible ou une situation qui s'impose à vous, vous pouvez rien. Et à ce moment-là, les stoïciens disent, vous restez libre parce que vous pouvez éteindre la lumière. Je ne vais pas vous donner ce conseil, hein. C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Mais je vais vous dire que notre liberté, elle est dans notre capacité à décider nous-mêmes de ce que nous avons l'intention de faire. Et nous ne pouvons pas prendre ce genre de décision sans tenir compte du milieu dans lequel nous évoluons. C'est pourquoi nous sommes en quelque sorte condamnés à vivre et à prendre en compte l'existence des autres. Alors, après, bon, voilà, c'est un choix philosophique, c'est une... Bon, pour ce qui me concerne, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je pense que, voilà, j'appartiens à cette catégorie de gens qui pensent que c'est mieux avec les autres, qu'on est plus intelligent en groupe que tout le temps tout seul. Des fois, il faut savoir être tout seul aussi, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut changer le monde? Ben évidemment que oui. Il a changé tant de fois, tant de fois. Pourquoi ne changerait pas encore une fois dans le sens qui nous intéresse? Vous voyez bien comme l'histoire longue de l'humanité, c'est des régimes complètement différents, politiques, économiques, philosophiques, religieux. Pourquoi ils ne changeraient pas? Et maintenant, nous avons une capacité technique et scientifique qu'on pourrait mettre au service d'une autre manière de vivre. On saurait quoi faire en France pour changer le mode de production, la consommation et l'échange. On saurait quoi faire, c'est follement excitant. C'est plus intéressant que d'être là comme du bétail que la publicité pousse à petits coups de baguette vers la mangeoire. Alors, après Clément, une dernière. Il est 19h50. Ah ben oui, je ne m'étais pas rendu compte. Clément, penses-tu que la mobilisation du 5 décembre pourrait entraîner une révolution citoyenne? Et on me l'a déjà posé celle-là un peu plus haut. Bon, celle-là, elle est franche et directe. Oui, je pense que le 5 décembre peut être un détonateur. Et à ce moment-là, les conséquences, c'est que les gens se mobilisent, s'emparent eux-mêmes de leur... Et ça peut ne pas l'être. On va évaluer, hein. Le soir du 5, le 6, le 7, on va regarder, hein, les amis. Et puis, pour la part de responsabilité qui est la mienne, qui n'est pas la plus petite, moi, je ne vous emmènerai jamais, avec des grands cris, à l'assaut, si on n'a pas les moyens de l'assaut. Mais je vous dis, le 5, il faut être en masse, et il faut faire le 5 à 7. Et le 7 aussi, il faut être en masse, dans la rue samedi, voilà. Après, peut-être que le samedi suivant, vous aurez les courses de Noël ou je sais pas quoi, donc c'est là que ça se joue. Hein. Et faites-le maintenant. Si vous le faites pas, les gens comme moi et d'autres, on dira, ils veulent pas se battre. Peut-être qu'ils ont une autre idée, puis nous, notre devoir, c'est de nous mettre en harmonie. Mais moi, je crois que vous avez envie de vous battre. On est de travail, ça vaut la peine de les aider, leur donner le coup de main. Bon, je sais pas si cette réponse est satisfaisante, je sais même plus combien vous avez été à la fin, là, à suivre les aventures de cette revue de la semaine, c'est beaucoup trop long pour moi. Non, pas tant que ça, finalement. Ça a fait quoi? Une heure, hein? Bon, une heure, ça va, quoi. Faut pas qu'on en fasse plus. Si ça vous plaît, vous mettez des petits pouces bleus. Et si ça vous plaît pas, tant pis. Mais si ça vous plaît au point que vous avez envie de revenir, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et ça restera toujours gratuit. C'est la première chaîne politique... enfin, d'un personnage politique dans le pays, que celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée, et je suis le premier à m'en étonner. D'autres copains ont décidé de faire comme moi, alors c'est une discipline, hein, faut s'y astreindre. Hein. Toutes les semaines, pouf, revue de la semaine, faut que je choisisse mes sujets. Puis après ça, 2h30 d'écriture pour le blog, toutes les semaines. Alors, c'est beaucoup de travail, hein, de pédagogie, mais moi, j'ai toujours été comme ça, et je demande à tous les dirigeants et à tous ceux qui ont une capacité d'expression, d'explication, hein, de se mettre au service des autres, en éclairant, en expliquant. Et il faut qu'il y ait 1000 émetteurs pour que toute la société soit travaillée de tous les côtés par la circulation des idées, par l'ébullition de l'enthousiasme, l'idée qu'on forme un collectif, qu'on est en train de faire de grandes et belles choses ensemble, parce que les autres en face, ils n'ont pas compris. Ils savent pas qu'on est en train de faire tout ça. Ils savent pas qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens qui s'éduquent politiquement, qui ont compris qu'il y a des biens communs, qui ont compris qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, qui ont compris que le capitalisme, c'est la fin de la civilisation humaine. Plein de gens. On n'est plus dans les années 90 où on ne jurait que par le marché. Plein de gens ont compris. Et notamment la partie la plus jeune de la population, parce qu'après tout, ce monde lui appartient, et je lui souhaite d'en faire la merveille qu'il mérite d'être. Allez, au revoir. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes? Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès?

Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Coluche, devrais-je peut-être dire aujourd'hui, qui avait hier organisé une conférence de presse, comme tout le monde, on pourrait dire, pour présenter cette candidature. Il se retrouve aujourd'hui face à Daniel Grand-Clément et l'invité du Crible d'Antenne 2. C'est à vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux ? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux, puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais effectivement, ma candidature... On vous invite pour vous expliquer. Oui, oui, je sais, c'est l'endroit où vous parlez vite pour qu'on n'ait pas le temps de parler. Mais je vais m'habituer parce que je l'ai déjà vu, l'émission. Ma candidature est très sérieuse dans la mesure où j'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi, tout simplement. Il y a plus de gens qui sont censés adhérer à mon... À vos quoi, justement, à mon programme, quoi, enfin, à mon cahier de charges et de revendications que les alors, autres. C'est quoi votre cahier de revendications? Par exemple, il y a à peu près 14% d'abstentionnistes en France, si on compte les gens qui ne s'inscrivent pas. Or, au dernier sondage, par exemple, Michel Debré, il aurait 8%. Donc il est quand même très très loin derrière. Très facile, ça. Très facile. À la limite, n'importe quel candidat peut réclamer les mêmes voix que vous. Oui, d'accord, mais personne ne le fait, c'est ça le problème. C'est que justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire, tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Très bien. Montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent, de manière à renvoyer le compliment, c'est vous qui valez rien, en fait. Voilà. Alors, ce qui peut apparaître comme finalement assez amusant dans votre candidature, c'est un personnage amusant, est-ce que ça peut pas être un petit peu dangereux pour les institutions? C'est un grand mot, mais tout simplement, il vous faut 500 signatures pour que vous fassiez campagne normalement. Si à la suite de votre candidature, on se dit, bon, finalement, il faut plus de rigolos comme Coluche, donc il faudra 5000 signatures. Est-ce que vous pensez que vous aurez gagné ou finalement que vous aurez perdu? C'est déjà ce qu'ils ont fait, parce qu'avant, il fallait 100 signatures. Et maintenant, il en faut 500. Et d'autre part, aujourd'hui, il y a 31 candidats, je crois. Oui. Hein, dont 5 sont connus, en fait. Enfin, il y en a 3 qui ne sont pas déclarés, mais qui sont quand même très, très connus. Et il y a moi, donc. Oui. Il y a Marie-France Garraud, mais enfin, Garraud Gorille, elle a fait 2 jours, et puis on n'en parle plus, donc on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le truc politique, en fait? La gauche avait une chance de gagner quand elle était unie, mais elle ne l'est plus. Donc, elle n'a aucune chance de gagner. Donc, on est devant une mascarade politique. Ah, mais vous n'avez pas répondu. Si effectivement, si votre candidature a pour principal résultat d'augmenter encore la barre pour que les gens puissent se présenter, est-ce que vous pensez que c'est un risque? Est-ce que vous aurez gagné ou perdu? Parce que vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression. Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Quel a été le candidat le plus ennuyé de lire ce que dit la presse de votre candidature, de savoir que vous êtes candidat aujourd'hui, à votre avis? Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit ennuyé. Si, Brice Lalonde ne doit pas être très content. Pourquoi? Je ne vais pas réclamer les voix des écologistes. Je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eues. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs que je réclame, à qui je réclame de voter pour moi, n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. Il y a des gens qui ont voté à gauche alors que la gauche a jamais réussi à s'entendre parce qu'ils ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts de la France, donc, et des Français. Et puis ceux qui ont voté à droite, eh ben, ils ont bien vu que c'était pour rien puisque le ministre vient encore de dire qu'on manquait pas de pétrole alors que l'Iran, avec qui on est allié dans cette affaire-là, fait des restrictions, elle, chez elle. Donc, si un jour vous faites un discours devant 1000 personnes et que tout d'un coup les 1000 personnes se mettent à applaudir, sans rire. Personne, mais vous riez. Des entrées payantes, j'en fais plus que ça, moi. Ouais. Et si personne ne rit, est-ce que vous n'avez pas changé d'attitude? Est-ce que ça va vous faire quelque chose de voir 1000 types qui vous applaudissent sans rire, qui croient ce que vous dites? Parce que vous prenez une responsabilité, les gens vont investir quelque chose en vous. Mais les gens, ils savent très bien que, de toute façon, c'est une plaisanterie, puisque je me présente au premier tour. Ce que je veux simplement, c'est que les mecs qui ne prennent pas sérieusement la politique... Vous ne parlez pas du tout sur le tour de la plaisanterie, là, pas du tout. Mais oui, mais parce que c'est de fait que c'est pas une plaisanterie. Mais vous allez t'entraîner obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie. C'est grâce à vous que c'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et je vous remercie encore une fois. Mais cela dit, elle est très sérieuse parce qu'il y a effectivement tout un tas de mecs qui sont français et qui sont pas concernés par la politique, que la politique prend pour vraiment zéro et qui existe. Premier point du programme, c'est quoi? La première chose que vous demandez. Il n'y a pas de programme, c'est des revendications. La première revendication. Oh ben la première revendication, c'est tout, c'est ce que les téléspectateurs, ce que les mecs qui vont voter pour moi ont comme idée. Ils n'ont qu'à m'écrire en disant, nous dans notre pays, par exemple, parce que chacun a ses problèmes. Le nord de la France a ses problèmes, le sud de la France a ses problèmes, le centre de la France a ses problèmes. Manu France, je vous le fais pas dire. Donc tout le monde a des problèmes qui sont différents. Et ces mecs-là ont des revendications et personne s'en occupe. Personne. Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien. On n'a rien, rien. Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. La vie t'a doublé, c'est pas régulier. Vois un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler. Je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que t'as poussé en dessous d'un gibet où ton grand-papa balancé déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard. Un grain d'ananas. T'avais des copains qui mangeaient ton pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans la société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard, la gueule d'ananas. Si t'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Si je n'en avais pas, on me dirait pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. Et c'est bien fini, je te le dis comme on le dit, et tu seras pendu. Au nom de la loi et de la société, la belle société qui se met à se mêler de foutre au rancard la graine d'ananas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux boufferont ta peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Ah, dis donc ça, hein. Oh là là, faire un duo avec Léo Ferré, là, tu vois. Pour là, là, je trouve que 88 s'annonce très bien, Léo. La revue de presse. La revue de presse. Les nouvelles règles du chômage. Emploi réforme. La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur ce vendredi. Le gouvernement espère ainsi faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi. Mais cette réforme est loin de faire l'unanimité. Bah oui, c'est pas forcément... Enfin, en changeant les règles, il faut donner du travail. Voilà, il faut donner du travail. C'est pas changer les modes de calcul de ceci, de cela. Il ne s'agit pas de traficoter les chiffres pour faire baisser artificiellement le nombre des chômeurs. Il faut faire baisser réellement le chômage. Alors, ce soignant en un clic, le nouveau défi remboursé par la Sécurité sociale depuis septembre 2018, les téléconsultations se démocratisent dans les Vosges. Ah, eh ben voilà, oui, il suffira de téléphoner. Ouais. Bon, bref, ordinateur, caméra, bon, on verra bien. Mais chaque fois qu'une innovation de la part de ce gouvernement, il faut chercher ce que ça cache. Il y a forcément des trucs très négatifs derrière ce qui semble positif. Cancer du sein, une innovation pour le dépistage développée par la société PrediLife, le logiciel Mamorisk a récemment fait son apparition dans les Vosges. Un nouveau système qui devrait permettre aux patientes concernées par le dépistage du cancer du sein d'avoir un diagnostic précoce et plus précis. Ben voilà, amélioration de la prévention, c'est une bonne chose. Bon, reste à voir. Faut boire, faut tester, faut essayer, faut vérifier. Homme éborgné, Épinal, fait divers. Homme éborgné, un quatrième militaire placé en détention. Alors ça, c'était le 30 octobre 2019. Consécutivement à la rixe qui s'était produite le 21 juin dernier, devant le bar de la Moselle à Épinal, un jeune homme avait perdu l'usage d'un œil. Le 17 octobre, trois militaires du 1er R Tir, régiment de tirailleurs, avait été interpellé et placé en détention lundi soir. Un quatrième homme, 20 ans, a à son tour été incarcéré. C'est pas bien beau tout ça. Hein? Eh oui. Voilà. Enfin. Ensuite, naissance et décès à Remiremont. Donc de la semaine du 1er novembre 2019, il y a une naissance d'un enfant venant du Val d'Ajol, un de Don Martin des Remiremont, voilà, Don Martin des Remiremont, un autre de Saint-Étienne-les-Remiremont, et puis les autres, ben, c'est ailleurs, Gérard May, Ramon Champ, Saint-Nabord, Adol, La Bresse, Belmont-sur-Butan, voilà. Alors, on peut naître à la maternité de Remiremont, mais on n'est pas forcément Romarémontin pour autant. Hein. Ben oui, les parents, ils habitent quelquefois un peu loin de Remiremont. Remiremont, c'est une ville de vieux, hein, et c'est une ville qui vieillit. C'est la cité des Chanoines, que voulez-vous. Un coup d'état bien juteux en Bolivie, des ressources qui étaient aux mains d'entreprises privées étrangères. En 2006, le gouvernement d'Evo Morales a émis un décret déclarant la fin du pillage des ressources naturelles et a débuté un processus de nationalisation en commençant par les hydrocarbures, les mines, les services de l'eau, du téléphone, de l'électricité, ainsi que d'autres secteurs comme le ciment. Cette politique a dégagé des ressources importantes pour le pays. Le PIB a été multiplié par 4 entre 2006 et 2019, passant de 11 milliards à 43 milliards de dollars. Hein, multiplier le PIB par 4, ça serait bien en France. Hein. Compte tenu de l'augmentation de la population, cet indicateur a été multiplié par 3 si on compte le PIB par habitant. Ces ressources ont permis d'améliorer le niveau de vie des Boliviens. Une campagne d'alphabétisation initiée en 2006 avec l'aide des gouvernements cubains et vénézuéliens a permis à 1,2 million de Boliviens d'apprendre à lire et à écrire. L'analphabétisme a pu être éradiqué en 2008. L'indicateur de pauvreté en Bolivie est passé de 60% en 2006 à 38% en 2015. Il est passé de 80% en 2006 à 55% en 2015 pour les régions rurales. Le pourcentage de personnes en insécurité alimentaire est passé de 38% en 1990 à 19% en 2015. La fin de ce fléau était prévue pour 2025. L'oligarchie locale a décidé d'en finir avec ses progrès qui ne lui rapportent rien. L'oligarchie, tiens, oligarchie. Est-ce qu'on a une oligarchie, nous, en France ? Est-ce qu'on aurait une oligarchie ? Est-ce qu'on pourrait se permettre d'avoir une oligarchie ? Hein ? Est-ce que, bon, voilà, on peut se poser la question, se renseigner, voir, réfléchir. Un groupe de chercheurs est actuellement outré pour déterminer si l'origine du séisme peut être d'origine humaine. L'usine Lafarge est notamment dans le viseur. L'information n'est pas encore confirmée, mais une équipe de chercheurs travaille actuellement sur la question. Le Point a révélé jeudi 14 novembre que le séisme de magnitude 5,1, survenu le 11 novembre au Teille, dans l'Ardèche, pourrait avoir été causé par l'activité du cimentier Lafarge. La carrière de calcaire du groupe est située à proximité de la commune ardéchoise. Et ça, c'était donc le 14 novembre. Et depuis, on n'en entend plus beaucoup parler. Hein, on n'en entend plus parler même. Ouais, vous remarquez comment les choses sont étouffées régulièrement, souvent, complètement, partiellement. Ouais, oui, on se paye notre tête quelque part, peut-être. La durée de la grève dépendra des discussions. Transport, SNCF. Ben oui, si les discussions évoluent, la grève pourra cesser. Mais si les discussions n'évoluent pas ou évoluent dans le mauvais sens, bien entendu, les grévistes, persisteront. Alstom Munksjö revend le velin d'Arche à un groupe italien. Ah, voilà, on achète, on vend, on comprime, que de modifications. administrative, financière, parce que la fabrication du papier, elle, elle reste la même. La pénibilité du travail reste la même. Le niveau des salaires, etc., ça reste pareil. Ce qui change seulement, c'est les noms des actionnaires. Hein. Voilà, on se repasse les trucs, on se voit les machins. Voilà. Paris, municipal. Cédric Villani, autiste, point d'interrogation. La question polémique. Est-ce que moi, je suis autiste? Je ne sais pas, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me faire diagnostiquer. Et qu'est-ce que ça changerait? Cédric Villani a ainsi répondu à un journaliste de l'émission Quotidien, diffusée mercredi soir sur TMC, lauréat de la prestigieuse médaille Fields, considéré comme l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, le député de l'Essonne et candidat dissident LREM aux élections municipales de Paris, fait régulièrement l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles il serait autiste ou atteint du syndrome d'Asperger. Voilà, bon, il a une médaille mondiale de mathématiques, mais peut-être que... Bon, oui, on peut tout dire, n'importe quoi. Ah oui, oui. Et puis on dément ensuite, mais même après un démenti formel, eh bien, il reste dans la mémoire des gens, il reste des traces de l'ânerie qui a été racontée en premier, et voilà. C'est une manière de procéder pour certaines personnes. Voilà, on dit des âneries sur une personne, on en répète, on le dit à d'autres, et puis ça se répète de proche en proche, et puis à un moment donné, on dément. On dit non, j'ai pas dit ça, non c'est pas vrai, non c'est faux, ouais, mais le mal est fait, eh oui, même si vous effacez, la gomme elle efface pas tout, il reste dans la mémoire des gens, et oui, c'est comme ça, il y en a qui fonctionnent comme ça, des pauvres types qui croient utile de salir les autres. Premièrement, la fibre optique arrive à grande vitesse, ouais, la fibre optique arrive à grande vitesse. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Peut-être, je sais pas, hein, après tout. J'avais des chiens pour ramener le troupeau, je n'en ai plus. Alors, qui est-ce qui parle de troupeau et de chiens? Il s'agit pas d'un berger qui aura un chien pour ramener le troupeau de moutons à la maison. Non. C'est un entraîneur de foot. Hein? Ah oui, moi je serais flatté d'être entraîné par cet entraîneur-là. Ah oui, oh ben c'est bien. Hein? Oui. Il y en a qui sont, enfin non, j'allais dire ils sont rigolos, pas rigolos du tout. Une pluie de diplômes remis à la Maison du Peuple, c'est à Rambervillers. Alors c'est quoi la Maison du Peuple? C'est à Remiremont, on dit la Maison des Chanoinesses, non, on dit la mairie, l'hôtel de ville, ah oui. Vous avez remarqué que une fois, il y a eu un maire de Remiremont qui a prononcé un discours devant la mairie, hein, et qui a dit sur le fronton de nos mairies sont écrits les trois mots liberté, égalité, fraternité. En levant les yeux, moi, je regarde la façade de la mairie et sur le fronton, ben il n'y a pas marqué liberté, égalité, fraternité. Ben peut-être que on n'est pas tout à fait en République française, qu'on est quelque part encore dans la cité des Chanoines, hein? Ah oui, dans l'ancien régime. Qui sait? Hein? Oh ben oui, on peut bien rigoler quand même un petit peu de temps en temps. Ah oui, ça détend, ça fait du bien. Alors pourquoi leur fils de 3 ans opéré des amygdales est mort? Point d'interrogation. À Metz, fait divers, opéré des amygdales à l'hôpital de Mercy, leur fils de 3 ans et demi a fait une première hémorragie, puis une seconde, fatale. 36 heures plus tard, le 7 mars 2019, l'enfant est décédé à son domicile. Que s'est-il passé? La famille vit mal l'absence de réponse dans cette terrible épreuve. Absence de réponse, vous notez, absence de réponse. C'est grave, on est dans eux. On vivait dans un pays hautement civilisé, il y a quelques temps, quelques années, il y a quelques quinquennats, hein, et puis progressivement les choses se sont aggravées, hein, les choses vont de mal en pis, hein. Voilà, on habitait un beau pays et c'était, vous passez au pays, un beau pays, c'est de moins en moins. Eh oui, parce que des margoulins ont décidé de mettre la main sur toutes les institutions, toutes les institutions publiques, il faut tout privatiser, il faut tout, voilà, tout modifier, il faut faire des bénéfices. Faire des bénéfices. Quitte à sacrifier, sacrifier les gens, en fait. La deuxième compagnie est rentrée au complet du Mali, Épinal, Défense. Le premier régiment de tirailleurs d'Épinal a accueilli avec fierté et soulagement, le retour de la deuxième compagnie après une mission de 4 mois au Mali. Car la mort des 13 militaires français récemment en Afrique a rappelé la dangerosité des missions assurées par les tirailleurs aux quatre coins du globe. Oui, voilà, mission dangereuse. Alors pour qui, pourquoi risquent-ils leur vie, les soldats français au Mali et ailleurs? Eh bien, pour défendre la France contre l'islamisme, nous a-t-on dit, du temps de Hollande, nous a-t-on répété depuis. Et puis, bon, ouais, on aurait presque eu tendance à croire que c'était ça. C'est le motif officiel. Et puis, on s'aperçoit que, ben, au Mali, il y a de l'uranium, il y a du ceci, il y a du cela, il y a des minerais, des minéraux, des produits intéressants, intéressants pour notre industrie, intéressants pour nos capitalistes. Alors, voilà. Et on risque la vie de jeunes qui n'ont rien demandé, hein, pour de l'argent, hein. Voilà. Bon, ben, la guerre de 14, la guerre de 70, la guerre de 39-45, l'Indochine, l'Algérie, etc. Ce sont toutes des guerres qui ont été faites au nom du patriotisme. C'est ce qu'on a raconté aux soldats, bien sûr, et aux civils. Et puis, en fait, c'était plutôt au profit, je sais pas, des marchands d'armes, des marchands de caoutchouc en Indochine. Ben oui, François Michelin avait besoin de d'EVA pour récolter la sève de l'EVA pour fabriquer le caoutchouc. Ben oui. Et puis, il y avait le riz aussi, qui était bon marché, meilleur marché que maintenant, bien sûr. Eh oui. Et puis, voilà. La France, à une certaine époque, était relativement riche parce qu'elle avait beaucoup de colonies. Alors, avoir des colonies, ça amène à avoir des produits pas chers, de la main-d'œuvre pas chère, et des tirailleurs pas chers aussi, que l'on a fait se battre contre les soldats allemands en 1914, et puis en 39-45, hein, ben oui. Et un chirurgien orthopédiste contraint d'annuler 8 opérations à Épinal. Cela peut paraître paradoxal, alors que le centre hospitalier d'Épinal se plaint d'une pénurie de médecins, il a décidé de réduire l'activité de ses chirurgiens orthopédistes, en raison de son souhait de ne plus assurer les astreintes de nuit. Première charte de bon voisinage, j'ai failli dire de bon Moyen-Âge. Quel rapport entre le Moyen-Âge et le bon voisinage du 21e siècle? Aucun rapport, hein, aucun. Ben, demandez à votre psychanalyste, vous verrez. Première charte de bon voisinage, donc entre agriculteurs et riverains. Ben, voyez bien. Puissance viticole et agricole, la Marne est le premier département du Grand Est à signer un engagement régissant l'emploi de produits phytosanitaires à proximité des habitations, tout en se donnant les moyens de pouvoir le mieux vivre ensemble. Eh ben voilà, quand on discute sérieusement, il y a toujours moyen de s'entendre. Il y a toujours moyen. Eh oui, ça peut être plus ou moins long les discussions, ça peut être plus ou moins difficile, mais quand on veut, on peut. Le mort cérébral, diplomatie, OTAN. La reine Elisabeth II accueille ce soir à Buckingham les cérémonies du 70e anniversaire de l'OTAN. Une célébration sur fond de crise provoquée par les petites phrases d'Emmanuel Macron sur, entre guillemets, la mort cérébrale de l'organisation en perte de repères et de leader. Alors, quand il parlait de mort cérébrale de l'OTAN, Macron visait peut-être quelqu'un en particulier. Suivez mon regard. Eh oui, ben oui, on peut se tromper. Se tromper, quelquefois. Voilà, l'OTAN. Ben oui, l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est encore utile? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux donner les pleins pouvoirs à l'ONU? Donner à l'ONU le pouvoir d'être efficace, d'être utile, d'être honnête, d'être efficace. Sans doute, hein, l'OTAN a été créée à une certaine époque face à une certaine situation. Cette situation là a complètement changé, donc l'existence de l'OTAN n'est peut-être plus tellement justifiée. Alors, donnons le pouvoir à l'ONU d'agir efficacement. Taxe GAFA, Washington menace, Paris persiste. Sous la menace imminente de représailles américaines, la France a réaffirmé sa volonté de taxer les géants du numérique. Ah ben oui, c'est comme ça. Le libéralisme économique sans entrave, concurrence non faussée, etc., c'est bien gentil, mais si ça n'a pas un minimum de limites, eh ben ça risque de coincer à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Le souvenir de la bataille de Dompère est bien gardé. Né à quelques encablures des commémorations pour le 75e anniversaire, je vois pas ce que les câbles viennent faire là-dedans, les encablures. Bon, né à quelques encablures des commémorations pour le 75e anniversaire de la libération, l'Association pour le souvenir de la bataille de Dompère a vécu une première année trépidante. La suite offre de belles perspectives, notamment les boucles cyclotouristiques de la voie de la 2e DB. Alors rappelons qu'il y a eu quand même quelques morts à l'occasion de la bataille du Dompère, hein. Ah oui, une bataille de chars avec participation de l'aviation, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas une simple séance de feux d'artifice, hein, c'est une bataille. Et elle était particulièrement sanglante, cette bataille de Dompère. Bon, évidemment, beaucoup moins que la bataille du Kursk, par exemple, qui a opposé, je crois, quelque chose comme 3000 chars des deux côtés, 3000. Hein, ça faisait 6000 chars en tout, allemands et russes, soviétiques. Ouais, la bataille de Dompère, bon, on en parle beaucoup parce que c'est la seule vraie bataille un peu importante dont on peut être fier, dont on peut se souvenir, etc., etc. Hein, oui. Il y a eu des batailles de chars aussi en 1940. Bon, se sont moins bien passées parce que les chars étaient moins bien équipés, moins bien utilisés par les généraux, hein, par exemple, aussi. Alors, voilà, hein, voilà. Ben, c'est le passé, tout ça, c'est le passé. On ne reverra plus ça, jamais, non, même pas au Tchad, hein, voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis, un jour, on fera une émission où il n'y aura que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Ah oui, on parlera du chômage au passé, par exemple, hein. Ah oui, ça serait bien, ça. Messieurs les électeurs, messieurs les élus, ne parler du chômage qu'au passé. Ouais, du passé faisons table rase, disait l'autre. Eh bien, essayons, tiens, pour voir. Leur chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pam pam pam pam pam pam. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter et puis après, pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, y